Il est 6h25 sur Fun Radio. Bon réveil tout le monde, c'est lundi le 12 décembre et nous sommes là en pleine forme ce matin jusqu'à 9h30 pour vous réveiller avec Julie là qui m'a réveillé. J'étais un peu en train de dormir et puis elle est arrivée là au taquet. Bah attends, Julie qui revient du carré, elle était encore sur le dance floor il y a 10 minutes. Mais bien sûr, elle était encore sur les pistes là, truc de. Oui, tout à fait. Alors Julie au taquet. Ouais, non, je crois qu'il est juste grand temps que j'ai des vacances. Oh, ça y est, alors ça commence reparti, à être difficile. Oh, attends, mais ça c'est va, bientôt, c'est bientôt. Attends, ah oui. Bon, elle se plaint jamais. Mais non, Julie, mais là, je suis en méga forme, machin. Ah ouais, ouais, c'est vrai. J'avoue, je suis un petit peu fatiguée. Toujours au taquet, etc. Ah ouais, mais c'est ça, c'est à force de se dépenser sur le dance floor. Mais elle est un peu fatiguée, c'est normal. C'est normal, c'est normal. Bon, attention, il y a du très, très, très, très, très, très lourd cette semaine. L'op va arriver. Oui, non, mais ça n'a rien à voir. Non, c'était juste qu'on va vous en. Déjà, il y aura pas mal de cadeaux parce que c'est Noël avant l'heure sur Fun. On aura des home cinéma à vous filer, des écrans plats également dans la devinette qui colle. On aura aussi des lecteurs MP3 aussi également à vous filer ou alors des caméras vidéo numériques. Si vous voulez en choper une, ou enfin si vous voulez choper un de ces cadeaux là, il faudra répondre à la devinette qui colle, mais on en reparlera d'ici quelques instants. On vous enverra également au ski, et oui, ça peut être pas mal ça, pour aller rejoindre les 25 000 autres clubbers. Bah justement, Julie sera tiens sur le plus haut dance floor d'Europe, direction la Fire Mix Party. C'est le 31 décembre à Tignes. On vous envoie là-bas, donc du 25 décembre au 31 décembre, hein, entre les fêtes de fin d'année justement. On vous met un studio évidemment pour vous, pour deux personnes, la location du matos de ski, les forfaits et les entrées au lagon. Bref, quoi qu'il en soit, on offrira ça évidemment. C'est toute cette semaine sur Fun Radio. Pour vous inscrire, vous envoyez neige au 6322 en mettant vos coordonnées complètes. Et puis, ben, quoi qu'il en soit, vous repartirez si vous êtes tiré au sort. Parce qu'il y a un tirage au sort le vendredi vers midi avec Lucas. Et en attendant, ceux qui passent à l'antenne repartent avec un casque audio polaire de chez Lenco. C'est-à-dire que comme ça, au moins, vous aurez vos oreilles au chaud pendant que vous êtes au ski, quoi. C'est ça, mal de ski avec parce qu'on en a beaucoup rigolé de ce casque quand on l'a reçu. C'est vachement pratique. Mais en fait, je viens d'y réfléchir et pour aller sur les pistes de ski, c'est peut-être pas une mauvaise idée. C'est tout de même bien. C'est super dangereux, hein. De skier avec. Bah ouais, ah non, mais utilisez-le plutôt sur le télésiège, quoi, tu vois. Ah oui, non, mais voilà, mais quand on dit sur les skis, c'est quand t'es au ski, tu vois. Bah oui, ne l'utilisez pas quand vous skiez, c'est comme. Mais c'est comme des écouteurs quand vous êtes à vélo, quoi. C'est juste dangereux parce que vous entendez pas les autres, donc faites gaffe. Donc, ça voilà, fait 10 ans que je skie avec le. Ah ouais, bah, la musique à fond. Regarde ta tronche. Bah voilà. Ouais, peut-être. Bah voilà, tu vois, on t'en serait pas là sinon. Bon, bref, tout ça pour vous dire qu'on vous envoie à Tignes donc cette semaine. Donc restez bien à l'écoute de Fun Radio. Et puis la ligne anti-relou, comme d'habitude. Nous aurons ça tout à l'heure. On fera chier du monde également aujourd'hui. On va appeler qui Nous allons répondre à une grande question ce matin. Ouais. Est-ce que l'amitié homme-femme existe? Ah, et bah très bien. Une question, évidemment, que tout le monde se la pose, évidemment. Tout le monde se l'est déjà posée, mais bon. Et bon, j'ai la réponse aujourd'hui, donc je vais la vérifier. On en parlera tout à l'heure. Et un message qui est arrivé qui dit: grâce à vous, j'adore me lever à 6h pour vous écouter. Bah, c'est gentil, merci à toi. En tout cas, c'est cool de ta part. Bon, allez, c'est parti maintenant. Noël avant l'heure sur Fun Radio avec les gros cadeaux de cette semaine. Je pensais que c'était parce que tu parlais des photos de Lindsay Lohan. Non. Non, parce que ça n'a rien à voir. Si quelqu'un les veut, vous m'envoyez un mail. Bon, on en parlera, t'inquiète pas. Bon, si vous voulez donc repartir avec tous les cadeaux, il y a donc, comme je le disais, lecteur MP3, caméra numérique, il y a également des écrans plats ou encore des home cinéma. Et pour ça, eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Répondre à la petite devinette qui colle. Écoutez-la bien. C'est parfois le bout du fouet. Elle fait parfois des trous d'un seul jet. Parfois, elle est décolorée. Qui est-elle? Elle peut être de cheveux également. Bon, ah, très régulièrement d'ailleurs. Si elle est décolorée, j'imagine que c'est ça. Oui, oui, voilà, probablement. Donc si vous avez la bonne réponse, 63-22, c'est 1€ le message. Mais attention, Noël avant l'heure, donc avec des home cinéma gagnés, des écrans plats, des lecteurs MP3, encore des caméras numériques. Bonne chance tout le monde, je répète une dernière fois, c'est parfois le bout du fouet. Elle fait parfois des trous d'un seul jet, parfois elle est décolorée. Qui est-elle? Voilà, et donc comme je le disais, elle peut être également de cheveux. La réponse à envoyer au 63-22, c'est 1€ le message. Bonne chance. Et dans un instant, c'est le colonel Rayel qui va arriver. Ça fera plaisir à Mirko, qui est un auditeur fidèle, qui n'aime pas du tout le colonel Rayel. Voilà, 6h29 sur Fun Radio. On passe à l'info maintenant, c'est avec Julie. Bonjour à tous. La cour d'assises du Hainaut entame aujourd'hui le débat sur les peines dans le cadre du procès de l'assassinat de Sadia Cheikh, morte en 2007. Vendredi, les quatre membres de la famille Cheikh ont été reconnus coupables d'assassinat avec la circonstance aggravante de crime d'honneur. La peine sera prononcée après un nouveau réquisitoire du ministère public et des plaidoiries de la défense et qui se dérouleront toute la journée. Les accusés risquent la perpétuité. La société wallonne, la FNRstal, est passée à côté d'un contrat juteux, une commande de 20 000 pistolets de la police fédérale. C'est une société américaine qui a remporté la mise. Motif, les armes wallonnes ne seraient pas fiables. Les syndicats haussent le ton et comptent bien réagir. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a qualifié d'accord significatif la feuille de route adoptée à Durban vers un accord en 2015 pour lutter contre le réchauffement climatique. Le secrétaire général salue la série de décisions baptisée « Plateforme de Durban » adoptée par les 194 parties à la Convention sur le changement climatique en Afrique du Sud. Chez nous, Ekolo et Hoon ont déclaré que malgré ces insuffisances, l'accord de Durban est un soulagement. Toujours à l'étranger, le président russe Dmitri Medvedev ordonne une enquête sur les soupçons de fraude électorale lors du scrutin législatif du 4 décembre, remporté par le parti de Vladimir Poutine. Il l'a annoncé sur sa page Facebook. Samedi, plusieurs dizaines de milliers de manifestants se sont rassemblés dans le centre de Moscou pour dénoncer les fraudes massives, selon l'opposition. En sport football, hier se clôturait la 17e journée de championnat avec la rencontre entre le FC Bruges et Saint-Trond. Et c'est le FC Bruges qui l'a remporté 1-0. Et puis Luciano Donofrio a tranché ce week-end. Il ne collaborera pas avec le Sporting d'Anderlecht. Ce refus est une véritable gifle pour le président du club de foot d'Anderlecht, Roger Van de Stok, qui comptait sur son ami Donofrio pour reconstruire une équipe capable de gagner l'Europa League. Donofrio réclamait un poste dans la direction du club, ce qui ne plaisait pas à tout le monde. Lors du dernier conseil d'administration, les membres avaient décidé que Donofrio était le bienvenu comme agent de joueur privilégié, mais pas comme dirigeant. Il est 6h31 sur Fun Radio. Bon réveil encore une fois tout le monde. Dans un instant, c'est Mister You et le Colonel Rayel avec Météo à l'aise et la météo pour aujourd'hui. Après quelques pluies en début de matinée sur l'est du pays, on retrouvera partout un temps sec avec des éclaircies de plus en plus larges. À partir de l'ouest du pays, température qui remonte de 5 à 9 degrés. Demain, il va pleuvoir sur toute la Belgique. On se consolera avec les températures qui remontent jusqu'à 12 degrés. Eh ben, c'est déjà ça, effectivement. D'ailleurs, j'ai regardé sur une application qui donne la météo à 15 jours. Nous allons passer un magnifique Noël sous le soleil. Ah voilà. Oui. En tout cas, c'est ce qui est prévu. Effectivement, il n'annonce pas de neige. Avec 9 degrés, voilà. Ouais. Dis donc, il faut se dire aussi que l'année dernière, cette période-ci, il faisait quand même tout blanc. Quoi. C'était la folie. Moi, c'était je suis restée bloquée tout. Avec ma voiture dans la neige et tout. C'était on l'espérait, là, on pouvait se dire, ah tiens, Julie sera en direct. Oui, je suis en direct des bouchons. Effectivement, ça n'avance pas. Non. Mais bon, visiblement, tout est sec. Malheureusement, c'est dommage. Pour l'instant, en tout cas. Bah, ouais. Bon, quelle est l'info en plus à 6h32? Alors, normalement, il est censé faire de plus en plus froid. Enfin, on l'a quand même senti un petit peu ce week-end, hein. Ça caillait quand même pas mal. Oui, mais vite fait, par rapport à la période, je parle. Oui, effectivement. Alors, donc, on sort de plus en plus nos polars, tu vois, les vêtements en polaire. Mais le problème, c'est que ces vêtements polluent les océans de la planète. Ah bon ? En fait, une étude récente montre que près de 2000 fibres de polyester peuvent se détacher d'un vêtement lorsqu'on le passe à la machine à laver. Parce qu'à un moment donné, il faut quand même le laver. Oui, bah et c'est un véritable désastre pour les océans parce que ces fibres, c'est évacué, etc. Et ça tombe dans les océans et ensuite, c'est mangé par les poissons. Ah ouais. Et c'est super mauvais pour eux. Et après on le récupère parce qu'on va pêcher le poisson et puis bon forcément on se pollue nous-mêmes. Voilà, donc c'est super mauvais. Et alors évidemment on avait l'accord à Durban qui a été signé. Mais bon, comme on dit, on a accouché d'une souris, hein, c'est une expression, donc c'était pas grand-chose. Donc il suffit pas de lutter contre les émissions de CO2, mais il faut aussi faire attention à ce genre de choses. Donc je ne sais pas ce qu'il faut faire, arrêter d'emporter, je ne sais pas. Bah peut-être arrêter d'en acheter ou arrêter de les laver. Ouais, mais pas mal. C'est une bonne solution ça aussi. Ben oui, faisons comme ça. Plus long. Ouais. Quand vous lavez vos polars, c'est super mauvais pour les poissons dans les océans. Ouais, c'est une bonne idée, tiens, à réfléchir en tout cas. Mais allez, ouais. 6h33 sur Fun Radio, je vous rappelle la devinette qui colle. Il y a pas mal de messages qui sont arrivés, pas mal de mauvaises également. Hein. C'est parfois le bout du fouet, elle fait parfois des trous d'un seul jet, parfois elle est décolorée. Qui est-elle? Elle peut être de cheveux également. On proposait une pointe, non pas du tout, la coupe. C'est vrai qu'on pourrait croire effectivement à la coupe de cheveux, mais c'est pas ça en l'occurrence. Si vous avez donc une autre réponse, hein, n'hésitez pas, 6322. C'est un euro le message. Ce matin, il y a des écrans plats à gagner, des home cinéma, il y a également des lecteurs MP3 ou encore des caméras vidéo numériques. Bonne chance tout le monde et on va s'écouter le son du Colonel Riel. Voilà, c'est bien parce que moi il se présente, tu vois, ça me fait un peu moins de travail. C'est mets-toi à l'aise sur Fun Radio, bon réveil. Mets-toi à l'aise. C'est Fun Radio, oui, c'était le Colonel Riel à l'instant avec Mets-toi à l'aise. Il est et Mister You, évidemment. Il est 6h36 sur Fun Radio avec maintenant. On va parler de Metallica et des Red Hot Chili Peppers. Un très très bon son dance floor, tout ça. Hein. Alors, c'est très très difficile. Ah, c'est toi qui me tends la perche. Oui, effectivement, mais c'est parce que il y a quand même une bonne raison d'en parler, c'est que la crise de l'euro, ça ne touche pas que les gens, etc. Ça touche aussi les groupes. Metallica et les Red Hot ont décidé d'avancer leur tournée de 1 an. Normalement, Metallica aurait dû être en Europe en tournée en 2013 et ils vont l'avancer d'un an. Pourquoi ? Parce que les managers pensent que la crise de l'euro va être très mauvaise pour les groupes et que ça va être compliqué. Ils pensent qu'on va en fait abandonner l'euro d'ici un an. Et donc, ce sera plus compliqué pour payer le groupe et les roadies. Donc, tous les gens qui aident sur place et qui partent avec le groupe aussi en tournée pour préparer le matos, etc. Sur scène, l'éclairage. Ah, quand on va revenir au franc belge, on va moins rire. Et ben voilà, c'est quand même assez fou que ces groupes, donc Metallica et Red Hot, ont avancé leur tournée pensant qu'on va abandonner l'euro. Bah écoute, c'est quand même assez fou. Ah ouais, mais c'est pas mal, hein. Soit dit, il faut que je regarde du coup quand est-ce qu'ils viennent. Hein. Écoute, moi j'ai Metallica qui vient pour un concert au Stade de France à Paris le samedi 12 mai 2012. Parfait, et bien voilà. Je book. Parfait. Bon, très bien. Voilà, on va revenir dans un petit instant sur Fun Radio, le son Rock Floor. Ça fait très Roquefort quand même. Hein. Oui, c'est. Ce serait une très mauvaise idée de changer le slogan, tiens. Bon, dans un instant sur Fun, voilà, je vais y arriver. On va écouter le son de DJ Antoine avec Sunlight. Ouf, ça fait du bien. Oh, bon, c'est différent, c'est sûr. 6h38, Sunlight arrive dans un petit instant. On fera un tour du côté aussi de l'infotrafic. Si vous êtes témoin d'un problème, si vous êtes coincé dans un bouchon, n'hésitez pas à nous le signaler au 3044 ou sur mickaël@funradio.be. Bonne matinée. Ne bougez pas. Mickaël à la radio revient juste après ça. Fun Radio. Mickaël à la radio. Bonjour, c'est Katia Hystérica. Tous les matins, j'écoute Mickaël à la radio. Mickaël à la radio. Bon, et si vous voulez rejoindre tous ceux qui sont en pleine forme, ils sont tous endormis sur le groupe Facebook ce matin, ils sont là mais endormis, n'hésitez pas à aller les rejoindre sur le Twitter également, vous tapez dans les deux cas M-I-K-L officiel, on vous attend. 6h42, que se passe-t-il sur les routes, Julie? Eh bien, effondrement de la chaussée sur la N1 à hauteur de Mechelen Sud, la chaussée est fermée dans les deux sens, accident sur le 420 Nivelles en direction de Charleroi à hauteur de Timéon. La bande de gauche est obstruée au kilomètre 14.6. Accident sur la 501, la Louvière en direction de Famille-Lheureux à hauteur de Bois-d'Aisne en direction des Cossines. La bande de droite obstruée au kilomètre 1.7. Une voiture est sur le toit. Soyez prudents parce qu'il pleut, donc forcément ça glisse. Exactement, faites attention. Ouais. Dans un instant, je vous donnerai un indice sur le Facebook et sur le Twitter pour repartir avec les cadeaux de Noël avant l'heure sur Fun, c'est-à-dire home cinéma, écran plat. Il y a également des caméras numérique ou encore des lecteurs MP3. Vous allez donc nous rejoindre si vous le voulez, avoir un indice supplémentaire donc sur le www.facebook.com ou Twitter. Hein, vous tapez Mickaël officiel pour nous rejoindre. Il est 6h43 sur Fun Radio et c'est DJ Antoine qu'on écoute maintenant et Sunlight. On fera des remboursements de factures tout à l'heure. Si vous voulez qu'on vous rembourse vos factures, n'hésitez pas à nous envoyer votre petit message maintenant au 6322. Vous débutez le message simplement par facture avec le montant et l'objet de la facture. Fini les prises de tête avec la ligne anti-relou. 0 473 86 00 13. Fun Radio. Ah en tout cas une chose est sûre, après le week-end spécial cadeau de Noël, je sais pas si vous avez vécu ça, mais le week-end spécial cadeau de Noël, c'est clair que ça peut faire plaisir, un petit remboursement de facture, je pense là. T'as dépensé combien toi Julie? T'as fait les courses de Noël ou pas encore? Mais je les ai fait, oui, avec ma maman. Ne dis rien, je préfère pas savoir le prix du cadeau que tu m'as acheté. Ça se fait pas, je préfère ne pas savoir parce qu'après sinon ça va faire le mec intéressé. Hier ça a été un véritable carton, hein. les magasins ouverts le dimanche, ils ont explosé les records par rapport à l'année dernière. Et ils devraient faire ça tout le temps en fait, ouvrir le dimanche, tout le monde s'en merde le dimanche. Moi je suis complètement pour, je suis sûr qu'il y aurait beaucoup plus d'achats, etc. Mais bien sûr, évidemment. Ça remonterait l'économie. Au lieu de surtaxer les gens là, faites-les travailler plus. Mais c'est logique, tu vois ce que je veux dire. Enfin bon, on n'est pas là, on va pas débattre, on n'est pas controverse. Hein. J'ai encore tous mes cheveux, tout ça, donc il n'y a pas de problème. Bon, 6h47, allez, c'est parti maintenant. La ligne anti-relou sur Fun Radio, ça a bien cartonné ce week-end encore, évidemment, puisque le week-end ça cartonne pas mal. Les relous sont en pleine forme et sont de sortie. Et oui, ils peuvent affronter le froid, ce n'est pas un problème pour eux. Ils peuvent affronter la chaleur, ils sont là en hiver, en été, à l'automne. Ils sont là tout le temps, les relous. Attention, premier message. Ouais, Nadia, c'est allé de Mustapha. En fait, on t'attendait pour la petite sauterie, là, mais on voit que ça arrive pas. Si ça ne répond, moi, ce serait génial, hein. Attends. Allô, dépêche-toi de répondre, on est chaud, on a la barre d'informe à donf, là, on a un thermomètre qui pète. Rappelle-nous, on va te déglaguer les deux fesses, petit canard. Allez, rappelle-nous. Et en plus fort, moi, ce matin. On dirait que Colonel Rayel et Mysterio sont sur la ligne anti-relou. Eh oui, Colonel Rayel et Mysterio sur la ligne anti-relou, tiens, c'est pas mal, ouais. Bon, deuxième message, laissé sur la ligne anti-relou ce matin. Salut Justine, c'est moi. En fait, j'étais au café, on s'était donné rendez-vous, mais t'es pas venu. Je commence à être chaud, quoi. J'ai la bite qui tremble. Rappelle-moi, s'il te plaît. Bisous. Mais qu'est-ce qu'ils ont là depuis quelques jours là? Ils sont au taquet là, à ce niveau-là. Là. Qu'est-ce qui leur arrive? Tu me diras, c'est des relous. En général, les relous veulent arriver à ça, c'est-à-dire coucher avec la personne, évidemment. Troisième et dernier message pour cette heure-ci. Allô, Victoria? Je t'attends depuis un quart d'heure. Tu vas venir ou tu manques de trop? J'ai envie de te voir. Donc, j'ai envie que tu joues avec mon petit bâton, en fait. Donc, j'espère que tu vas arriver parce que. Oh, c'est très dur, hein. C'est très très dur. Surtout à la fin quand il hurle et qu'on comprend pas ce qu'il raconte, c'est très très dur, très très dur. Enfin, retour de la ligne anti-relou, évidemment, tout à l'heure à 7h50, 7h45 plus ou moins. Si vous voulez faire tourner ce numéro, si vous voulez vous sauver au final de tous les relous de Belgique, n'hésitez pas à retenir le numéro par cœur et à leur donner à ces relous le 04 373 86 00 13. Dans un instant, on va faire chier du monde et on va savoir si l'amitié entre garçons et filles existe. C'est avec Toff puisqu'il va faire son petit sondage. D'ailleurs, donnez-nous votre avis aussi au 3044 à ce sujet. Et puis, je vous rappelle la devinette qui colle. C'est parfois le bout du fouet. Elle fait parfois des trous d'un seul jet. Parfois, elle est décolorée. Elle peut être de cheveux également. Qui est-elle? Si vous avez la bonne réponse, 6322, c'est 1€ le message. Il y a des écrans plats à gagner, des Home Cinéma cette semaine. Il y a également des caméras vidéo numériques ou encore des lecteurs MP3. Et oui, c'est Noël avant l'heure sur Fun Radio. La bonne réponse au 6322 ou pour nos amis luxembourgeois au 621-783-605. 621-783-605. Un indice éventuellement à donner, Julie, ou... Non. Non, d'accord, ok. Châtain. Oui. Ouais. Ah oui. Oui. Bah, c'est une des couleurs. Ah oui, là, moi, je dirais plutôt bougie. Oui, oui, c'est vrai, effectivement, oui, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Qu'est-ce qu'il y a, Lob? Il me fait des signes, là, je comprends pas ce que tu veux. Oui, c'est ça, Lob, effectivement. Il fait des signes pour savoir si c'est bien ça. Bah oui, c'est ça, il me fait des signes. Il a... Avec bon. Son bronzage, là, ouais. Il a été faire un bain solaire ce week-end et il souffre. Justin Bieber, là. Oh là là là là là. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais il l'a plus maintenant. Hein. Ouais, bah enfin, non. Il les a plus, quoi. Allez, bonne chance, tout le monde. Et on va s'écouter le son de Lady Gaga maintenant avec Mary the Night. 6h53 sur Fun Radio. C'est Chris Brown qui arrive dans un instant avec Pitbull et International Love. Tiens, il y a un message qui est arrivé, tiens, par rapport à la ligne anti-relou. Les relous, c'est comme le kikou, on a envie qu'il prenne une corde et qu'il se la passe au cou. Oui, c'est vrai, mais malheureusement, on ne sera pas débarrassé des relous de sitôt, hein, même si il existe quand même la ligne anti-relou, ça reste quand même compliqué de s'en débarrasser une bonne fois pour toutes. Mais que voulez-vous? Bon, allez, on va se faire un autre relou maintenant. C'est Toff qui va appeler qui ce matin alors, du coup? Bah alors, en fait, je suis tombé sur une petite vidéo sur le net où c'est un mec en fait qui vérifie si cette grande question est possible ou pas, l'amitié homme-femme, est-ce que ça existe? Parce qu'évidemment tu crois que ça n'existe pas. Bah, y a pas que moi en fait. Hein. Non, le mec, c'est vrai, j'avoue, y a pas que toi non plus. Y a un message qui est arrivé qui dit ça marche pas top. J'avais une meilleure pote et elle a quand même trompé son type avec moi. Voilà. Ça marche pas des masses. Et donc le mec sur le web en fait il arrive à peu près à la même conclusion, c'est que ça n'existe pas. Ah mais si, ça existe. Eh ben écoute, on va voir, on va appeler. Mais regarde, moi... t'es ami avec Julie? Non, on n'est pas amis avec non, Julie. Pas amis, non. Ah, vous êtes fuck friends? Et... Non, rien du tout. Ben, j'aimerais bien, mais elle veut pas. Donc ah, c'est pour ça qu'on n'est pas amis. Ah voilà, c'est ça. Alors d'accord, ok. Bon, ben on y va, on va appeler à Bellecourt. Eh ben appelons à Bellecourt. Allez, on appelle à Bellecourt. Allons vérifier. Et en attendant, dites-nous si vous croyez en l'amitié homme-femme, justement. Tiens, 3044 ou alors Facebook, Mickaël officiel. Allô? Oui, bonjour madame. Oui, bonjour. Voilà, en fait, je vous appelle parce que je me posais une petite question et je me disais que peut-être vous pourriez me répondre. Voilà, je voulais savoir si vous pensez que l'amitié homme-femme est possible. Je ne comprends pas ce que vous dites, monsieur Day, je ne sais pas qui vous êtes. Ah oui, pardon. Alors, je suis Toff et je voulais savoir si vous pensez qu'il est possible que les hommes et les femmes soient amis. Qu'est-ce que vous chantez là? Bah, est-ce que vous pensez qu'un garçon et une fille, ça peut être amis? Mais pourquoi est-ce qu'on pose cette question-là? Bah, pour savoir. Ça ne vous regarde pas, à voir. Ah bah, ça mérite d'être clair au moins. Elle est pas d'accord. Voilà, bon, on va le rappeler. Bah oui, parce que là j'ai pas de réponse. Bah non, c'est ça, allez à Bellecourt, c'est parti, on y retourne. Bah chier, hein. Ouais. Ah oui, d'accord. Oh, c'est bon ça. Et oh, ça bah, c'est voilà. Bon ça. Eh ben, je pense qu'on a notre réponse. Bah, hein. Bah, je pense que tout est plié là, je pense que voilà. Tout est dit. Eh ben voilà, on rappellera tout à l'heure. Hein. Et puis Julie, elle en pense quoi, l'amitié homme-femme, justement, elle y croit ou pas? Bah, évidemment que ça existe. Tu crois oui. Que c'est possible? Bah, bien sûr. T'as un meilleur ami, toi? Bah oui. Ouais. Mais est-ce que ce meilleur ami n'aurait pas envie de toi? Non, pas du tout. Est-ce que tu en es sûr? J'en suis sûr à 100%. Persuadée. Ah oui, complètement. Ouais. Et tu crois que si tu lui disais ce soir c'est possible, il te dirait non? Il me dirait non. Mmh. Allez, on l'appelle! Allez, on écoute Chris Brown maintenant et Pitbull, c'est International Love sur Fun Radio, 6h56, bon réveil. Chris Brown sur Fun Radio avec Pitbull. Très bon morceau là, International Love sur Fun Radio. Plein de messages qui arrivent aussi par rapport à l'amitié homme-femme sur le Twitter et sur le Facebook. C'est cool ça, ça fait plaisir de voir tous les messages là ce matin. Il y a Jérémy qui dit l'amitié homme-femme, c'est possible sur Twitter. Sur les SMS au 3044, quelqu'un qui dit moi j'avais un meilleur ami, mais chaque fois qu'on était célibat, on couchait ensemble. Maintenant, il ne parle plus car j'ai un enfant avec quelqu'un d'autre. D'accord, pourquoi pas. Oui, garçons et filles peuvent être amis si c'est une amitié améliorée. Il y a toujours attirance physique. C'est Elodie de Presles qui avait envoyé le message. Pour moi, ça marche depuis 8 ans, donc oui, c'est possible. Bon, bah très bien. Allez, dites-nous encore, donnez-nous vos avis. L'amitié homme-femme, est-ce possible, oui ou non? 3044 ou alors gratuitement sur Facebook ou Twitter, vous tapez MIKL officiel pour venir nous rejoindre. Et puis, je vous rappelle maintenant, la devinette qui colle, c'est pour repartir avec tous les cadeaux de Noël avant Noël sur Fun Radio. C'est bien comme ça, vous les gagnez, vous allez pouvoir les offrir. Vous les aurez avant Noël, normalement. Si vous avez la bonne réponse à la devinette qui colle, c'est parfois le bout du fouet. Ouais, elle fait parfois des trous d'un seul jet, parfois elle est décolorée. Elle peut être de cheveux également. Qui est-elle? Si vous avez la bonne réponse, hein, Lob avait dit Justin Bieber, on avait effectivement, il n'en a plus aujourd'hui. Si vous avez la bonne réponse, allez-y. Sinon, il y a un indice qui traîne également sur le Facebook et sur le Twitter. Donc vous tapez MIKL officiel sur l'un ou sur l'autre. Bonne chance! Et dans un instant sur Fun, tiens, ça fait longtemps qu'on n'ait plus entendu ça. Avicii! Avicii avec Levels, ça va arriver d'ici quelques secondes sur Fun Radio, restez bien là. Et puis on va revenir avec vous toutes et vous tous en direct avec l'info dans 10 secondes. Mickaël à la radio. Mickaël à la radio. Salut Mickaël, c'est Alizé Poulicek. Je te verrais bien en Miss Wallonie, mais faudrait quand même refaire les dents, faudrait refaire le sourire, faudrait refaire les abdos, faudrait refaire les pectos. En fait, faudrait tout refaire. Mickaël. À la radio. 7h01 sur Fun Radio et bon réveil avec nous. C'est lundi le 12 décembre et c'est l'info maintenant avec Julie. Bonjour à tous, Luciano D'Onofrio a tranché, il ne collaborera pas avec le Sporting d'Anderlecht. Ce refus est une gifle pour le président d'Anderlecht, Roger Van Den Stock, qui comptait sur son ami D'Onofrio pour reconstruire une équipe capable de gagner l'Europa League. D'Onofrio réclamait cependant un poste dans la direction du club, ce qui ne plaisait pas à tout le monde. Lors du dernier conseil d'administration, les membres avaient décidé que D'Onofrio était le bienvenu comme agent de joueur privilégié, mais pas comme dirigeant. Toujours en football, hier se clôturait la 17e journée de championnat avec la rencontre entre le FC Bruges et Saint-Tron, et c'est le FC Bruges qui l'a emporté 1-0. Et puis la Belgique a clôturé les championnats d'Europe de natation en petit bassin en Pologne sur de très bons résultats. Le relais max masculin du 4x50 mètres nage libre décroche le bronze. François Hirschbrand a terminé 5e de la finale du 50 mètres papillon et bat le record national. Et Fanny Lecleus a pris la 9e place de la finale du 100 mètres brasse. Si vous avez une voiture de société, vous allez devoir payer. L'accord sur le budget 2012 prévoit 200 millions de recettes grâce à une réforme du régime fiscal des voitures de société. Officiellement, il a été annoncé que l'effort sera réparti moitié-moitié entre les utilisateurs et les entreprises. Mais selon les calculs effectués par les experts, il apparaît qu'en réalité, les utilisateurs devront fournir 90 à 95% de l'effort fiscal contre seulement 5 à 10% à charge des entreprises. En moyenne, la part payée par l'utilisateur augmentera de 30 à 35%. Ce sont par contre bien les grosses voitures qui seront les plus touchées. Certains employeurs s'attendent déjà à recevoir plus régulièrement des demandes d'augmentation en cash plutôt que sur la catégorie de la voiture. Ça va être dur pour toi, avec sa Clio, là. Sa Twingo, pardon. Oui, oui, bien sûr. Ça va lui coûter bien cher. Bien sûr, bien sûr. La cour d'assises du Hainaut entame aujourd'hui le débat sur les peines dans le cadre du procès de l'assassinat de Sadia Cheikh, morte en 2007. Vendredi, les quatre membres de la famille Cheikh ont été reconnus coupables d'assassinat de Sadia. Avec la circonstance aggravante de crime d'honneur, la peine sera prononcée après un nouveau réquisitoire du ministère public et des plaidoiries de la défense qui se dérouleront toute la journée. Les accusés risquent la perpétuité. La société wallonne, la FNRstal, est passée à côté d'un contrat juteux. Une commande de 20 000 pistolets de la police fédérale. C'est une société américaine qui a remporté la mise. Motif, les armes wallonnes ne seraient pas fiables. Les syndicats haussent le ton et comptent bien réagir. Il est 7h03 sur Fun Radio. Dans un instant, je vous rembourse vos factures. Ça va se passer sur Fun Radio comme chaque matin à 7h10, 8h10 et 9h10. Et je vous explique comment ça se passe après la météo. Après quelques pluies en début de matinée sur l'est du pays, on retrouvera partout du temps sec et des éclaircies de plus en plus larges à partir de l'ouest du pays. Les températures remontent entre 5 et 9 degrés. Demain, il va pleuvoir sur toute la Belgique, mais on se consolera avec les températures qui remonteront encore jusqu'à 12 degrés. Et bien voilà, l'explication des factures, c'est dans 30 secondes que ça se passe sur Fun Radio. Il est 7h04. Fun Radio. Fun Radio. Bon, je vous le disais, on va vous rembourser vos factures dans un petit instant. Si vous voulez vous aussi qu'on vous appelle pour vous rembourser vos factures, eh bien, seul numéro 6322, c'est 1 euro le message. Vous débutez ce message par facture avec le montant et l'objet de la facture. On vous appelle peut-être dans quelques secondes, enfin dans 3 minutes pour être précis. Et peut-être qu'on vous appelle pour vous rembourser cash votre facture, comme 68 euros pour le gaz, 90 euros pour l'électricité du mois de décembre, 84 euros pour la facture de téléphone, retard de paiement de voiture, 1000 euros. Ah ouais, quand même, hein. 220 euros également, 150 euros pour un PV, 149 euros pour un aspirateur robot, c'est Marianne. Et vous aussi, si vous voulez qu'on vous rembourse votre facture, vos factures de Noël par exemple, pour les cadeaux de Noël, eh bien 6322, code facture avec le montant et l'objet de la facture. Bonne chance, ça marche également pour nos amis du Grand-Duché du Luxembourg. Il faut nous envoyer facture au 621 783 605. Quelle est l'info en plus, Julie? Alors, un condamné à mort dans l'Arkansas a obtenu droit à un nouveau procès. Donc tu connais la raison donc ça veut dire pourquoi ça tweetait en fait. Il y a un juré dans le jury qui a tweeté et un autre qui dormait, donc la Cour suprême a c'est annulé... le mec qui sa vie entre leurs mains, qui roupille ou qui communique, quoi. Exactement, il faut quand même le faire. Donc la Cour suprême de l'Arkansas, c'est aux États-Unis, hein, a annulé la condamnation à mort d'Erickson Dimas Martinez. C'est un homme qui avait été condamné à la peine de mort et la prison à perpétuité pour meurtre et cambriolage aggravé. Et en fait, il y a un juré qui s'est carrément endormi pendant le procès, hein, et un autre qui a tweeté. Alors j'ai le tweet. Donc pendant sa pause déjeuner, le juré a écrit: des choix doivent être faits, des cœurs vont se briser, chacun nous devons trancher. Puis quelques minutes plus tard, une fois qu'ils avaient délibéré, il a tweeté: c'est fait. Alors il faut rappeler que les jurés ne peuvent pas communiquer, hein, ça c'est bien clair, ni avec la presse ni avec qui que ce soit d'autre. Exactement. Ils sont censés rester en huis clos, ça veut dire qu'ils doivent parler à personne d'autre qu'entre eux hein, pour décider de ce qu'ils vont faire de l'accusé. Bon voilà, il était condamné à peine de mort, mais bon, ils se sont quand même rendu compte, son avocat a quand même dit: ok, il y en avait un qui dormait et l'autre qui a tweeté, donc on va peut-être recommencer. C'est ça, et hop, on recommence tout à zéro. Donc voilà, on recommence tout à zéro. Et voilà. Donc comme quoi, faites gaffe, si vous êtes aux US, on sait jamais, une peine de mort peut quand même vous tomber sur la tronche quand même relativement facilement. Hein. Oui, faites attention. Il y en a un qui dort. Ouais c'est ça, ouais. Faites attention. 7h07 sur Fun Radio, je vous rembourse aux factures juste après Avicii dans 2 minutes 30. On vous appelle chez vous, 6322, code facture, bonne chance. Tous les matins, Fun Radio paye vos factures. Il est 7h09 sur Fun Radio, debout là-dedans. Allez hop, il faut se lever un peu là, maniez-vous. Je sais pas comment il faut le dire, moi. Mais c'est de plus en plus dur pour tout le monde, je pense. Ouais, je sais, mais c'est normal. En même temps, là, il fait noir tout le temps. C'est la fin de l'année, là, on n'en peut plus. C'est-à-dire que le soleil se lève à 8h40, il va se coucher à 4h30. Il y a un moment, ça devient compliqué, quoi. Enfin bon. Bon, 7h10 sur Fun Radio, on appelle maintenant pour vous rembourser vos factures. Vous connaissez le principe, hein, je vous l'ai expliqué tout à l'heure. 6322, un SMS au 6322. Vous débutez le message avec facture, avec le montant et l'objet de la facture. On vous appelle live and direct. Et si vous décrochez et que vous répondez bien à la question, c'est-à-dire qui paye les factures le matin, eh bien vous repartez avec le remboursement intégral de la facture que vous avez proposée. Allez, on y va, on appelle et on va, je ne sais pas chez qui on va, mais en tout cas on va on va rembourser apparemment un cadeau de Noël pour la copine. A priori en tout cas. Si toutefois ça décroche. Oh, c'est malheureux quand même. Allez. Il est trop tôt. Ah oui, mais enfin, si les gens s'inscrivent, c'est qu'ils sont réveillés dans l'absolu. Oui, peut-être qu'ils espèrent que tu vas les appeler à plus tard. Oui. Ah bah c'est mort, hein. Encore un petit coup quand même. Allô. Oui. Allô. Oui, allô. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour, je croyais que c'était une vanne. Qui paye les factures le matin? C'est Fun Radio. Mais oui. Alors toi, t'as une chance de cocu, ouais, parce que c'était sur le fil. Il a pas de messagerie. T'as pas de messagerie ou t'as vraiment dégainé une demi-seconde avant la messagerie? Ouais, c'est pour l'instant dans un magasin, donc j'ai dégainé au bon moment, on va dire. D'accord, ouais, t'as dégainé au bon moment, effectivement. Bon, tu t'étais inscrit au 6322 avec le code facture pour un petit cadeau pour ta copine, si mes souvenirs sont bons. Oui, c'est bien ça. Ah, un petit cadeau de Noël, un petit cadeau. C'est quoi le cadeau? La coquine. Ah oui, c'est pour toi le cadeau en fait, pas pour elle. Ah, je trouve que c'est moins mignon. Mais je comprends pas, parce que effectivement, comme vient de le dire Mickaël, c'est plus un cadeau pour toi que pour ta copine. Donc. Non, c'est mixte, c'est pour bof, les deux. Quoi. C'est pour les deux. C'est bof. C'est pour les deux. Les deux en profitent. Hein. Bah oui, non, mais c'est ça. Non, mais t'as raison, c'est toi qui paye. À un moment, faut bien que tu vois. Oh, n'importe quoi. Mais oui, bien sûr. Comment tu t'appelles et t'es dans quelle ville au fait? Fabrice, à Bruxelles, très bien. Bon, on va te rembourser tes petits cadeaux, la lingerie pour ta copine. C'est son cadeau de Noël, il n'y a pas de problème. Bah, franchement, c'est super. Eh ben, écoute, avec plaisir. Fabrice, tu restes au standard, on va t'expliquer comment ça se passe dans un instant, d'accord? Y'a pas de problème. Salut Fabrice, à bientôt. Salut. Passe une bonne semaine et puis bonnes vacances également. Parce que c'est bientôt les vacances, c'est vrai, il faut le dire quand même. On est un peu en avance, mais tout de même. Eh bien, on remet le couvert tout à l'heure à 8h10 sur Fun Radio. Remboursement des factures, 6322, code facture, avec le montant et l'objet de la facture. Dans un instant, on vous offrira également tous les cadeaux avec la devinette qui colle. Et puis, on vous enverra à Tignes également. Si vous voulez plus d'infos, eh bien, écoutez ce qui suit dans quelques instants. On écoutera aussi Calvin Harris avec Feel So Close. Et l'horoscope de Doudou arrive. Et donc, si vous voulez partir à Tignes, écoutez ce qui suit. Mickaël à la radio. Mickaël revient juste après ça. Fun Radio. Fun Radio. L'horoscope. Il est 7h18 sur Fun Radio. Dans un instant, Jason Derulo avec It Girl et bien sûr l'horoscope. Alors Doudou, vous avez passé un beau week-end? Oh là là là là là là là là. Qu'est-ce qui vous arrive? Moi, je suis allé faire les magasins avec Marie-Séverine. Oh là là là là là là, tous ces gens qui avaient décidé de faire comme nous. Bah oui, c'est normal, Doudou, c'est bientôt Noël. Là. Les gens font leurs courses pour les cadeaux. Ah oui, mais ils n'étaient pas obligés de faire ça en même temps que moi quand même. Bah, je sais pas, Doudou, vous leur demanderez la prochaine fois, je sais pas. Bon, en attendant, on fait l'horoscope? Ah bah oui, mais enfin bon. Bah oui, mais enfin bon, allez les béliers. Bon, alors béliers, faites preuve de mobilité car cela pourrait être important pour votre avenir. Les taureaux. Vous n'avez aucune raison de vous faire du souci, rien de particulier à signaler aujourd'hui. Les Gémeaux. Courage, vous y êtes presque arrivé. Le temps joue en votre faveur. Bien, les cancers, comme je dis. Vos problèmes se résoudront que si vous prenez à bras le corps sans attendre plus longtemps. Ben voilà, c'est ce qu'il faut faire. Je prendrai à bras le corps. Voilà. Les Lions. Je sais pas quoi, mais je le ferai. Ouais, bah, voilà, faites-le. Alors les Lions, vous avez en ce moment tendance à repousser les choses désagréables. C'est le bon moment pour prendre des décisions. Les Vierges. Aujourd'hui, vous resplendissez par votre dynamisme. Sachez utiliser cet aspect pour vous faire aller de l'avant professionnellement. Les Balances. Enfin, une lueur à l'horizon. Un vieux problème se résout et cela vous redonne de l'espoir. Les Scorpions. Quoi que vous fassiez sous le plan de l'amour, tout sera parfait. Les Sagittaires. Malheureusement, on ne peut plus changer son passé, même si on le souhaite. Alors ne laissez pas les vieilles histoires vous gâcher la journée. Les Capricornes. Ne vous arrêtez pas toujours aux détails, ça ne sert à rien. Les Verseaux. Que vous êtes pris au sérieux, qui veut être pris au sérieux doit tenir sa parole. Ce qui est sincère dure plus longtemps. Et les Poissons pour terminer. Vous vous sentez en pleine forme et vous êtes maintenant prêt à tout pour faire pour le rester. Très bien, merci Doudou, on vous retrouve dans une heure. Mais oui, je et on bouge va parler pas, de confessions intimes dans un instant. Les 10 ans, c'est du lourd, c'est du trop lourd. Et puis je vous rappelle également la devinette qui colle si vous voulez repartir avec tous les cadeaux spéciaux Noël. Écran plat, home cinéma, caméra vidéo numérique ou encore lecteur MP3. C'est parfois le bout du fouet. Elle fait parfois des trous d'un seul jet. Parfois elle est décolorée. Elle peut être de cheveux également. Qui est-elle? La bonne réponse au 6322, c'est 1€ le message. Bonne chance tout le monde. Allez, on va s'écouter le son de Jason Derulo maintenant. C'est It Girl sur Fun Radio. Il est 7h20. 7h22 sur Fun Radio et bon réveil. C'est lundi aujourd'hui, le 12 décembre. Nous allons parler de confessions intimes dans quelques instants, mais avant cela nous avons Mirko qui est avec nous. Salut Mirko. Comment ça va? Ça va et vous? Ça va bien. T'appelles de Charleroi, toi? De Couillé. De Couillé, d'ailleurs, on sera à Charleroi aussi. C'est samedi hein, pour les 20 ans de Fun Radio. Là. Donc voilà, plutôt bonne nouvelle. On va bien se marrer, je pense. Hein. Donc venez nombreux au Coliseum pour les 20 ans de Fun Radio à Charleroi. On devrait bien se marrer. On t'attend d'ailleurs, Mirko. Hein. Ah, bah oui, j'y vais. Ah, bah oui. De quoi j'ai rien compris, tu dis? J'ai dit d'aller chercher la place au Mike and Dave. Eh ben voilà, c'est très bien. Mirko, d'ailleurs, n'hésite pas à t'acheter des meubles, hein, parce que ça résonne un peu chez toi pour l'instant. Donc, c'est normal, je suis sur le trône. Ah, quelle bonne nouvelle! C'est qu'est-ce qu'on est content d'apprendre ça, tiens. Bon, alors, je t'annonce la petite devinette, là. C'est parfois le bout du fouet. Elle fait parfois des trous d'un seul jet. Parfois, elle est décolorée. Et même... Attends, c'est quoi? Et elle peut être également de cheveux. Qui est-elle? Elle est à une mèche. Eh ben c'est une mèche, oui exactement, bonne réponse, bravo à toi Mirko, tu veux repartir avec quoi? Oh ben la télé. La télé, l'écran plat. Eh ben y a pas de problème Mirko, on va t'envoyer l'écran plat, y a pas de soucis, salut à toi Mirko. Salut Mickaël, bonne journée. Eh ben, bonne journée à toi également, Mirko. Ciao à toi. Ouais, bye bye. Ah bah, enfin, il était sur le trône, qu'est-ce que tu veux qu'on me dise. Bon, allez, on va parler de confessions intimes maintenant. Je vais vous en parler justement là, confessions intimes. Eh ben, ouais, je vous l'avais annoncé la semaine dernière, hein, lundi dernier, après l'amour est aveugle. C'est le grand retour de confessions intimes avec cette semaine un grand match nord-sud. On commence dans le sud évidemment avec Aurélie qui s'embrouille avec son mec Yannick. Je sais pas si vous vous souvenez de ça. On n'est plus à l'époque de la dictature, tout le monde marche pas au pied la lettre. Et oui, exactement. Un bon remix de plusieurs expressions, mais qui n'ont rien à voir avec le sujet. Oui, effectivement. C'est une fois de plus assez difficile, question grammaire. Complètement la ramasse. C'est même plus que de la grammaire. Ah ouais, hein, on est quand même très très loin. Ah oui, oui, oui. Mais je vous rassure, hein, dans le Nord, c'est pas mieux. Là, on va dans une bonne famille qui s'embrouille parce que la mère veut faire des concours de Miss à sa fille. Mon plus beau rêve qu'elle me ferait, c'est qu'elle soit Miss France. Oui. Mon plus beau rêve qu'elle me ferait, c'est qu'elle soit Miss France. Ouais, je suis sûr qu'en parlant comme ça, elle va être tout de suite Miss France. Ah, ça c'est clair. Mais il n'y a pas qu'elle hein, dans la famille qui a du mal. Son mari aussi a, comment dirais-je, un peu de mal à manier le français. Là, tu commences à me gaver, je discute même plus avec toi, tu vois. Et je monte coucher, et puis j'abandonne. Et je monte coucher. Il monte coucher. C'est quand même pas mal, parce qu'arriver à monter un étage couché, je ne sais pas qui peut arriver à le faire, mais. Il est fort. Attends, c'est du lourd. Et en plus, vu son bide et tout, s'il arrive à faire de la méditation, c'est pas mal. Hein. Ah, non. Alors, et quand la mère achète pour 350 euros de tissu pour les robes de sa fille, bah forcément, c'est le fils qui a enfin fait une remarque intelligente. Bon, alors justement, non, alors, arrêtez de vous faire un souci. C'est bon, 350 euros. Et alors ? Il nous manque rien, si. Les quoi? Vacances en famille. Ah oui, les vacances. Et ben, on va partir au bout du jardin. C'est une idée, au moins tu évites les embouteillages. Et pourquoi pas? C'est pas trop compliqué pour garer la caravane après. Hein. Enfin, c'est bon de voir qu'il y a toujours de bons clients dans Confessions Intimes. Hein. Merci à toutes et à tous, je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles Confessions Intimes. Eh ben écoute, on est ravis, on serait ravis, Marion, de te retrouver très rapidement d'ailleurs. Tu peux rejoindre le groupe de Confessions Intimes, vu comment tu parles. J'essaye. En plus, je suis très déçu parce qu'à la fin, elle dit appelez-moi et elle laisse un numéro. Et en fait, c'est pas le sien. Bah, sans déconner, tu t'attendais à quoi? Étonnant. Moi j'ai essayé de l'appeler et tout. Je dis allô, Mario. Enfin, non. Sans déconner. Sans blague. C'est super déçu. Dans un instant, nouvelle devinette qui colle pour repartir avec vos cadeaux spécial Noël cette semaine avant l'heure sur Fun Radio. Des écrans plats, des home cinéma, des caméras numériques ou encore des lecteurs MP3. Nouvelle devinette qui colle, c'est dans un instant sur Fun. Restez là, on revient dans 3 minutes avec l'info de Julie également. It's 5 o'clock in the morning. Et il y aura également le son de T-Pain. You want me, don't you? I can see it. 'Cause you've been waiting on me since I said that I was hitting the club. Mickaël à la radio. Tous les matins. Tous les matins, Mickaël est en direct sur Fun Radio. Fun Radio. Mickaël à la radio. Fun Radio. Et dans un instant, c'est l'info de Julie sur Fun Radio qui va débarquer. Avant cela, comme je vous le disais, nouvelle devinette qui colle pour repartir avec vos cadeaux spécial Noël cette semaine. Écran plat, home cinéma, lecteur MP3 ou encore caméra numérique à gagner. Écoutez bien la devinette, elle est facile. En 12, il est coupé sur la voûte étoilée. Dans ses signes certains, vont-ils lire passé, présent ou avenir? Qui est-il? Ils étaient chevaliers. C'est un dessin animé à l'époque. Et il y en a 12, évidemment, hein, avec notre ami Doudou, bien entendu, tous les matins. Si vous avez, n'hésitez pas, une réponse à donner. 6322, vous envoyez ça par SMS. C'est 1 euro le message ou pour nos amis luxembourgeois au 621-783-605. Un indice à donner, Julie, si t'as écouté ce que je viens de dire ou... Non, j'ai rien écouté. Bah, c'est bien ce que tu as tout dit. Eh ben, je vais faire pareil avec ces infos, tu vois, j'ai enlevé mon casque. Je n'écouterai rien, voilà, juste pour l'emmerder. Bon, je répète, en 12, il est coupé sur la voûte étoilée. Dans ses signes, certains vont-ils lire passé, présent ou avenir? Qui est-il? Ils étaient chevaliers à l'époque dans un dessin animé bien connu, hein, finalement, hein, les chevaliers. Et puis si vous avez la bonne réponse, donc 63 22, c'est 1 euro le message. Bonne chance tout le monde. T-Pain arrive dans un instant avec Wiz Khalifa et Lily Allen, 5 o'clock. Et puis à 7h30, c'est l'heure de l'info maintenant avec Julie. Bonjour à tous. J'enlève mon casque. Hein. Luciano Donofrio a tranché. Il ne collaborera pas avec le Sporting d'Anderlecht. Ce refus est une gifle pour le président des Mauves, Roger Van Den Stock, qui comptait sur son ami Donofrio pour reconstruire une équipe capable de gagner l'Europa League. Donofrio réclamait cependant un poste dans la direction du club, ce qui ne plaisait pas à tout le monde. Lors du dernier conseil d'administration, les membres avaient décidé que Donofrio était le bienvenu comme agent de joueur privilégié, mais pas comme dirigeant. Toujours en football, hier se clôturait la 17e journée de championnat avec la rencontre entre le FC Bruges et Saint-Tron, et c'est le FC Bruges qui l'a emporté 1-0. Et puis la Belgique a clôturé les championnats d'Europe de natation en petit bassin en Pologne sur de très bons résultats. Le relais masculin du 4x50 mètres nage libre décroche la médaille de bronze. François Herbrandt a terminé 5e de la finale du 50 mètres papillon et bat le record national. Et Fanny Lecloys a pris la 9e place de la finale du 100 mètres brasse. Si vous avez une voiture de société, vous allez devoir payer. L'accord sur le budget 2012 prévoit, je vous le rappelle, 200 millions de recettes grâce à une réforme du régime fiscal des voitures de société. Officiellement, il a été annoncé que l'effort sera réparti moitié-moitié entre les utilisateurs et les entreprises. Mais selon les calculs effectués par les experts, il apparaît qu'en réalité, les utilisateurs devront fournir 90% de l'effort fiscal contre 10% à charge des entreprises. En moyenne, la part payée par l'utilisateur augmentera de 30 à 35%. Ce sont bien les grosses voitures qui seront les plus touchées. Certains employeurs s'attendent déjà à recevoir plus régulièrement des demandes d'augmentation en cash plutôt que sur la catégorie de la voiture. La cour d'assises du Hainaut entame aujourd'hui le débat sur les peines dans le cadre du procès de l'assassinat de Sadia Cheikh, morte en 2007. Vendredi, les quatre membres de la famille Cheikh ont été reconnus coupables d'assassinat de Sadia, avec la circonstance aggravante de crime d'honneur. La peine sera prononcée après un nouveau réquisitoire du ministère public et des plaidoiries de la défense qui se dérouleront toute la journée. Les quatre accusés risquent la perpétuité. La société wallonne, la FNRstal, est passée à côté d'un contrat juteux, une commande de 20 000 pistolets de la police fédérale. C'est une société américaine qui a emporté la mise. Motif, les armes wallonnes ne seraient pas fiables. Les syndicats haussent le ton et comptent bien réagir. Et puis enfin, le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a qualifié d'accord significatif la feuille de route adoptée à Durban vers un accord en 2015 pour lutter contre le réchauffement climatique. Chez nous, Écolo et Groen ont déclaré que malgré ses insuffisances, l'accord de Durban était un soulagement. Il est 7h33 sur Fun Radio, 34 même pour être précis. C'est l'heure de passer à la météo maintenant. Après quelques pluies en début de matinée sur l'est du pays, on retrouvera partout un temps sec et des éclaircies de plus en plus larges à partir de l'ouest du pays. Température qui remonte de 5 à 9 degrés. Demain, il va pleuvoir sur toute la Belgique. On se consolera avec les températures qui remonte encore un petit peu jusqu'à 12 degrés. Eh ben, c'est déjà ça de prix. Hein. Si, c'est T-Pain qui arrive dans un instant avec Wiz Khalifa sur Fun Radio. Et passons maintenant à l'info en plus. Eh bien, un Britannique a reçu une amende de 90 000 euros pour 1 500 excès de vitesse. Alors, c'est l'homme, non ? Il est pas britannique, mais... Ben, non, apparemment, ce n'est pas lui. En fait, la police italienne n'est pas du genre à se laisser faire, puisque ce Britannique a fait ses 1 500 infractions à Florence, donc en Italie. C'est ça, Mercedes qui a été flashé. Bah oui, mais si on roulait en Fiat, ça ne serait pas arrivé, ils auraient laissé passer, tu vois. Ah, je sais pas, mais en tout cas, sa Fiat a été flashée 1 500 fois et sa plaque d'immatriculation étant britannique, eh bien, il n'était normalement pas autorisé à recevoir les informations concernant le propriétaire du véhicule. C'est pour ça qu'il s'est fait plaisir. Il s'est dit, je m'en fous, moi, pour moi, les lois ne sont pas les mêmes, je suis au-delà de ça. Eh bien, écoute, ils ont tout simplement alors trouvé une autre solution, c'est qu'ils ont repéré la Mercedes dans une rue de Florence et ils ont simplement attendu que le propriétaire revienne la récupérer pour l'attraper et lui donc lui infliger une amende de 90 000 euros pour 1 500 excès de vitesse. Bah oui, mais qu'est-ce que tu vaux, mais c'est comme ça, mais j'étais pressé, donc j'étais sur l'autoroute. Il parle pas comme ça, c'est un britannique. Ah oui, c'est vrai. Yeah, oui, mais j'étais pressé, tu vois. Voilà. C'est pour ça que j'étais quand dans le compliqué ça, ouais. Donc je ne peux pas payer 90 000 euros. Vous payez en euros, mais qu'est-ce que c'est, cette monnaie pourrie? Ça ne vaut rien du tout. Bon, écoute, en tout cas, je ne comprends pas. Comme quoi, il faut pas jouer avec la police. Oui. Faites attention, effectivement, les Italiens sont un peu tendus. Hein. 7h35 sur Fun Radio. Je vous rappelle la devinette qui colle et on nous dit également comme indice, c'est bien parce que les auditeurs donnent des indices aussi. C'est également une sorte de petit bateau gonflable. Peut-être, voilà. Je ne sais pas. Oui. Si vous avez la bonne réponse, donc 63-22, je vous rappelle ça après T-Pain sur Fun Radio. T-Pain sur Fun Radio avec Wiz Khalifa et Lily Allen, 5 o'clock. Il est 7h40, bon réveil tout le monde. Je vous rappelle la devinette qui colle pour repartir avec tous les cadeaux de Noël, spécial Noël cette semaine, c'est Noël avant l'heure, avec des écrans plats gagnés, des home cinéma, il y a également des lecteurs MP3 ou encore des caméras vidéo numériques. Et pour ça, il faut répondre à une petite devinette relativement simple. En 12, il est coupé sur la voûte étoilée. Dans ses signes, certains vont-ils lire passé, présent ou avenir? Ils étaient chevaliers à l'époque dans un dessin animé bien connu. Il y en a 12, voilà. Ça peut être également un petit bateau avec un tout petit moteur en général à l'arrière, hein, en règle générale en tout cas. Un autre indice, Doudou, ça vous concerne, Doudou? Ah oui, qu'est-ce qui se passe, pardon? Bah, justement, la devinette. Qu'est-ce que c'est? Bah, il y en a 12, là, vous les dites tous les matins, là. Qu'est-ce que j'ai dit tous les matins? Des bêtises? Oui, bah, ça doit être ça. Bon, merci pour cet indice magnifique. Patrick Dedou. Pas de rien. Voilà, bon, si vous avez la bonne réponse, 63-22, c'est 1€ le message. Et donc, comme je le disais, home cinéma, écran plat, lecteur MP3 ou encore des caméras numériques pour les vacances, ça peut être un très bon plan, ça. C'est à gagner maintenant. Bonne chance. Et pour nos amis luxembourgeois, vous pouvez jouer aussi au 621-783-605. Bonne chance tout le monde. C'est Gym Class Heroes qui arrive dans un instant. Avec Stereo Earth sur Fun Radio. Et puis dans un instant, il y aura également l'infotrafic sur Fun. Vous ne comptiez pas éteindre le réveil? C'est bien ce que je pensais. Tous les matins, entre 6h et 9h30, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Fun Radio. Enfin, il fait ce qu'il peut. Plus excitant que la caféine, plus vitaminé que le jus d'orange. Tous les matins, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Et à 7h46, c'est l'infotrafic. Que se passe-t-il sur les routes, Julie? Véhicule en panne sur le 314 depuis Heerlen des Pays-Bas en direction de Leuven à hauteur de Arscott. Accident sur le 17 Gand en direction de Anvers à hauteur de Zeendrecht. Bande de droite obstruée, il y a des files à cet endroit. Accident sur le ring extérieur de Bruxelles à hauteur des 4 bras. La bande de droite est obstruée au kilomètre 21.9. Et puis perte de chargement sur le ring extérieur de Bruxelles à hauteur de Vilvoorde. Il y a une seule bande de libre. Et puis accident sur le ring intérieur. Ça va finir maintenant là. À hauteur de Braine-l'Alleud, la bande de gauche est obstruée. Je fais ce que je peux, mais ça glisse en fait. Tu sais bien qu'elle est malheureuse si elle, si elle annonce pas assez d'accidents. Mais non, parce qu'en fait j'ai encore une très très longue liste. Mais j'annonce les derniers parce que je n'ai pas le temps de tout. D'accord, ok. 7h47 sur Fun Radio. Si vous êtes témoin d'un problème, un bouchon, un accident ou même un radar qui serait planqué, n'hésitez pas à nous le signaler au 3044 par SMS. Justement, c'est 50 centimes le message. Dans un instant, la ligne anti-relou et Gym Class Heroes. Fini les prises de tête avec la ligne anti-relou. 0473 86 00 13. Fun Radio. Fun Radio. C'est la ligne anti-relou sur Fun Radio chaque matin avec vos messages qui arrivent au 3044 évidemment. Je vous rappelle aussi brièvement la devinette qui colle. Oh, facile. En 12, il est coupé sur la voûte étoilée de ces signes. Certains vont-ils lire passé, présent ou avenir? C'est tous les matins avec Doudou. On proposait les signes. C'est quoi? Les signes astrologiques. Bon, ça se rapproche, mais c'est pas la bonne réponse. Ce n'est pas l'horoscope non plus. Qu'est-ce qu'il y a également? L'horoscope, ce n'est toujours pas la bonne réponse. Si vous avez la bonne réponse, justement, n'hésitez pas. 63-22, c'était un dessin animé bien connu. Les chevaliers. Voilà, bon, j'en dis pas plus. Et puis, évidemment, ça peut être également un petit bateau. Ah, la table ronde? Non, pas du tout. Ça peut être un petit bateau. Voilà, si vous avez la bonne réponse, 63-22, c'est 1€ le message. Bonne chance, tout le monde. Il y a des écrans plats à gagner ce matin. Des écrans plats, il y a des home cinéma également. Il y a également des lecteurs MP3 ou encore des caméras numériques. Bonne chance, tout le monde. Bon, c'est parti maintenant. La ligne anti-relou, les meilleurs messages laissés ce week-end sur le 0473-86-0013. On écoute maintenant le premier message de Sorcy. C'est encore moi, voilà, ben, je te ressemble pour la troisième fois, je pense, ouais. Je pense que c'est pas le bon numéro, donc si tu veux bien me sonner, avoir 22h, et pour avoir confirmation si c'est bien la personne à qui je dois sonner. Je te remercie beaucoup, bonne fin de soirée. Bye. Pas facile. Hein, qu'est-ce que c'est que ce mec? C'est-à-dire que. Ouais, 20 secondes quand même hein, pour dire je me suis trompé, rappelle-moi pour voir si c'est bien le bon numéro. Non, mais c'est pire que ça. C'est-à-dire que le mec il dit ouais, ça doit pas être le bon numéro, mais rappelle-moi quand même pour me dire que c'est pas le bon numéro. Ouais, c'est ça, ça doit pas être le bon, je sais pas, c'est bizarre. Bon, allez, deuxième message. Ouais, Nadia, Khalid de Mustapha, en fait, on t'attendait pour la petite sauterie là, mais on voit que t'arrives pas. Si ça ne répond, bah moi, ce serait génial. Hein. Attends. Allô, dépêche-toi de répondre, on est chaud, on a la barre d'informe à Donf, là, on a un thermomètre qui pète. Rappelle-nous, parce que t'es bien les deux fesses, petit canard. Allez, rappelle-nous. Petit canard, oui, c'est cela. Oui. Bon, allez, dernier message. Juste, je dois vous signaler qu'il y a un flash également que je n'arrive plus à lire parce que je n'ai plus sous les yeux, c'est dommage. Je ne l'ai plus, bah, c'est pas grave. Je vous le lirai dans quelques instants avant ça. Dernier message. Salut Justine, c'est moi. En fait, j'étais au café, on s'était donné rendez-vous, mais t'es pas venu. Bah oui. Et je commence à être chaud, quoi. J'ai la bite qui tremble. Rappelle-moi, s'il te plaît. Bisous. Très classe. Eh oui, très classe, effectivement. Allez, j'ai la bite qui tremble. Retour de l'ennemi anti-relou dans moins d'une heure. Et le flash, c'est sur l'autoroute entre la sortie, les Plaines et Eupen. Attention, c'est dans les deux sens. Donc voilà, faites gaffe si vous êtes dans ce coin-là. Il est 7h52 sur Fun Radio. C'est Likely maintenant sur Fun. C'est I Follow Rivers. C'est Fun Radio et bonne matinée, il est 7h54 et pas mal de messages qui sont arrivés aussi par rapport à l'amitié homme-femme. Existe-t-elle? Enfin oui, existe-t-elle tout simplement. Donc si vous avez envie de nous donner votre avis, n'hésitez pas, vous allez sur MIKL officiel Twitter ou sur Facebook, vous nous donnez votre avis et on en parle sur Fun Radio. Alors, il y a Steph aussi qui dit pourquoi pas, il y a Olivier qui dit oui, tout à fait c'est possible, amitié homme-femme. Raphaël qui dit oui, surtout si la femme est moche. Voilà, c'est ça. Robin qui dit d'accord avec Tom, et Tom disait non, l'un des deux est toujours attiré par l'autre. Ryan qui est d'accord avec Tom également. Moi, il y aura, attends, c'est quoi? Mais il y aura toujours un des deux, l'œuf de l'autre, c'est Mathieu. Gilles qui dit non, que ça n'existe pas. Donc voilà. Donc apparemment, d'après Julie, elle a un meilleur ami qui n'est absolument pas du tout attiré par elle. Et c'est le cas inversement. J'ai plein d'amis en fait. Mais ce qu'elle a oublié de nous dire, c'est qu'ils étaient gays. Ah, et donc ça ne compte pas, Julie. J'aurais aimé avoir un ami gay, tiens, pour être sûr, mais je suis déjà bien sûr avec mes potes, donc ça va. Très bien. Bon, alors du coup, nous on appelle tous les matins, enfin on appelle en tout cas ce matin pour vérifier cette règle, est-ce que ça existe, est-ce que ça n'existe pas, cette amitié homme-femme. Moi j'ai envie de savoir ce que les gens en pensent vraiment. Mais voilà, donc on va appeler à Bernissard. Mais oui, Bernisson. Allez, c'est parti, on y va, direction Bernissard maintenant à 7h56. Ça dort, Bernissard. Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Voilà, en fait, je vous appelais ce matin pour savoir si vous pensez que l'amitié homme-femme, c'est possible. Pourquoi vous me sortez ça maintenant, à 7h du matin? Bah, comme ça, pour savoir. Excusez-moi, mais vous me dérangez, là. Oui, mais ça ne me répond pas à ma question. Est-ce que vous pensez qu'un homme et une femme, ça peut être un... Je ne répondrai pas à votre question, pour voir. Bon, ils sont gentils à Bernissard. Enfin, poli, cela dit, voilà. Oui, assez poli, voilà. Bon, on va le rappeler, d'ailleurs. Bah oui, je suis déçu. Bah oui. Allô. Oui, excusez-moi, on a été coupé, j'ai pas eu le temps de prendre votre réponse. Non, on n'a pas été coupé, c'est moi qui ai raccroché. Ah d'accord, bon, et donc l'amitié homme-femme, vous pensez que c'est possible ou pas? Ah bah il s'en fout, oui. Donc visiblement là, il en a rien à faire, donc ouais. On va le rappeler encore une fois, parce qu'on a toujours pas eu de réponse là. C'est dommage. Bah oui. Alors qu'il répondrait, on le rappellerait pas 15 fois. C'est ça. Quoique si, peut-être. Bon, alors j'ai deux gosses qui dorment. Si maintenant ils se réveillent, je vous jure, je dépose plainte, ça compris? Bah, mais ça répond pas à ma question. Je m'en fous de votre question. Bah oui, mais enfin bon, on pourrait y répondre. Je m'en fous de votre question, vous me foutez la paix. C'est parce que vous ne croyez pas que ça existe que vous le prenez comme ça? Vous fermez votre gueule, vous raccrochez et vous ne rappelez plus, sinon je dépose plainte. Il est con parce que c'est lui qui va réveiller ses gosses. C'est ça, à hurler comme un dingue. Bon, on l'arrête? Au petit dernier. Ouais. Mais non, allez, arrêtez. Allez. Mais vous êtes... Mais vous allez déposer plainte pourquoi? Si ça vous amuse, vous parlerez dans le vide parce que je vous écoute pas. Voilà. Ah ouais, c'est bon, pas mal. Je suis déçu. Bon, on va arrêter là. On recommencera tout à l'heure dans moins d'une heure. Si vous connaissez des gens sympathiques qui pourraient répondre à la question, 3044, merci. C'était le son de Mika sur Fun Radio avec Elle me dit, je vous rembourse cash vos factures dans un instant sur Fun Radio, dans moins de 10 minutes. Si vous voulez vous inscrire, 6322 code facture, bonne chance. Et ce qui arrive, c'est Ayo Cruz avec Hangover sur Fun Radio. Cherchez pas sur les autres radios, ils sont encore devant la machine à café. Alors, restez ici, Mickaël, réveille la Belgique sur Fun Radio. Il est 8h sur Fun, bienvenue tout le monde, c'est l'heure maintenant de faire un tour du côté de l'info, c'est avec Julie. Bonjour à tous, Luciano D'Onofrio a tranché, il ne collaborera pas avec le Sporting d'Anderlecht. Ce refus est une gifle pour le président des Mauves, Roger Van Den Stock, qui comptait sur son ami D'Onofrio pour reconstruire une équipe capable de gagner l'Europa League. D'Onofrio réclamait un poste dans la direction du club, ce qui ne plaisait pas à tout le monde. Lors du dernier conseil d'administration, les membres avaient décidé que D'Onofrio était le bienvenu comme agent de joueur privilégié, mais pas comme dirigeant. Toujours en football, hier se clôturait la 17e journée de championnat avec la rencontre entre le FC Bruges et Saint-Trond, et c'est le FC Bruges qui l'a emporté 1-0. Et puis la Belgique a clôturé les championnats d'Europe de natation en petit bassin en Pologne sur de très bons résultats. Le relais masculin du 4x50 mètres nage libre décroche la médaille de bronze. François Erbrandt a terminé 5e, lui, de la finale du 50 mètres papillon et bat le record national. Si vous avez une voiture de société, vous allez devoir payer. L'accord sur le budget 2012, je vous le rappelle, prévoit 200 millions de recettes grâce à une réforme du régime fiscal des voitures de société. Officiellement, il a été annoncé que la force sera répartie moitié-moitié entre les utilisateurs et les entreprises, mais selon les calculs effectués par les experts, il apparaît qu'en réalité, les utilisateurs devront fournir 90% de l'effort fiscal contre seulement 10% à charge des entreprises. En moyenne, la part payée par l'utilisateur augmentera donc de 30 à 35%. La cour d'assises du Hainaut entame aujourd'hui le débat sur les peines dans le cadre du procès de l'assassinat de Sadia, morte en 2007. Vendredi, les quatre membres de la famille Sheikh ont été reconnus coupables d'assassinat avec la circonstance aggravante de crime d'honneur. La peine sera prononcée après un nouveau réquisitoire du ministère public et des plaidoiries de la défense qui se dérouleront toute la journée. Les accusés risquent la perpétuité. Les organisateurs des manifestations dans le quartier de Matongué à Ixelles ont déjà reçu une cinquantaine de plaintes pour des violences policières. Depuis une semaine, Matongué est le théâtre d'affrontements entre la police et anti-Kabila, déclaré vainqueur à l'élection présidentielle en République démocratique du Congo. Le nombre de plaintes pourrait toutefois encore augmenter. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a qualifié d'accord significatif la feuille de route adoptée à Durban vers un accord en 2015 pour lutter contre les réchauffements climatiques. Chez nous, Ekolo et Groen ont déclaré que malgré ces insuffisances, l'accord de Durban était quand même un soulagement. Il est 8h03 sur Fun Radio, je vous explique comment ça va se passer pour les factures dans un instant, mais avant cela, faisons un petit point météo. Après quelques pluies en début de matinée sur l'est du pays, on retrouvera partout un temps sec et des éclaircies de plus en plus larges à partir de l'ouest. Température qui remonte de 5 à 9 degrés. Demain, il va pleuvoir sur tout le pays, mais on se consolera avec des températures qui remonteront jusqu'à 12 degrés. Ah, quand même, c'est pas mal. 8h03, dans un instant, je vous le disais, je vous explique comment ça se passe au niveau des factures, les inscriptions et tout ce qui va avec. C'est dans 30 secondes que ça se passe. Restez sur Fun. Fun Radio. Fun Radio. Exactement, les factures, on vous les rembourse maintenant sur Fun Radio. Enfin non, maintenant, dans 3 minutes après le son de Tayo Cruz et Florida. Ça se passe au 63-22. Vous débutez votre message par facture. Vous mettez le montant et l'objet de la facture. Et puis, et bien sûr, on vous appelle et vous répondez correctement à la question qui paye les factures le matin. Vous répondez Fun Radio ou Mickaël. Et bien, vous repartirez avec le remboursement intégral de votre facture. Facile, 50,88€ pour des cadeaux de Noël avec erreur ticket. C'est bon, ça fait une petite affaire, c'est cool. 70€ pour un cadeau de Noël pour je ne sais pas qui, c'est pas la fin du message. 79€ pour une imprimante, c'est Coralie. 52€ pour les Crabel. 55€ pour des chaussures. 119€ pour un cadeau de Noël pour mon chéri. J'ai 7 enfants, 890€ pour les vacances de Noël. Ah ouais. Ah ouais, mais enfin, quelle idée de faire 7 tard aussi. Ah ouais, mais c'est bien cher. Ah aussi, oui, forcément. Bon. Bah oui, mais bon. Bon, si vous voulez vous faire rembourser, donc 63-22, débutez le message par facture avec le montant et l'objet. Ou pour nos amis luxembourgeois, vous débutez, enfin vous mettez facture aussi, mais vous envoyez ça au 621 783 605. Bonne chance. Quelle est l'info en plus, Julie? Alors maintenant il fait de plus en plus froid, enfin en tout cas ouais. Normalement il devrait faire de plus en plus froid. On l'a senti un petit peu ce week-end, là les températures remontent déjà brièvement. Voilà, donc on sort les polars, hein, là, ouais. Le vêtement bien chaud mais très très moche, hein. Ah pardon, pensais que tu parlais des films. Non, c'est énorme. Donc les vêtements en polaire, comme on peut aussi les appeler, eh bien ils sont mauvais pour la planète. Ils polluent les océans, en fait. Une étude récente montre que près de 2000 fibres de polyester peuvent se détacher d'un vêtement lorsqu'on le met à la machine à laver. Alors problème, évidemment, l'eau de la machine à laver s'évacue, hop, bah ouais. Tout ça va dans les océans. Et les poissons peuvent manger, en fait, ces petites fibres et c'est très très mauvais pour eux. Donc moralité, ou alors on arrête de porter des polars, des vêtements polaires en polaire, ou alors on arrête de les laver. Ça, c'est un petit peu à vous de... Oui, c'est ça, voilà. Vous les prenez, ou alors vous les remplacez à chaque fois, mais enfin, ça fera de la pollution si vous me direz. Oui, oui, oui, oui. Je propose qu'on arrête tout simplement d'en porter. Ça me paraît pas mal. Attrapons tous une bonne grippe et puis c'est tout. Voilà, ouais, ça me paraît pas mal. Parce qu'à un moment, on peut plus mettre de trucs en fourrure, on peut plus mettre de polar. À un moment, mais on met quoi? Mais la fausse fourrure. Bah oui, voilà, c'est ça, tu prends la fausse fourrure. Oui, mais la fausse fourrure, c'est comme le polar. Après, ça fait des trucs et puis ça va, les poissons ils meurent. Mais non. Oh, restons tous tout nus et puis c'est tout. Mais voilà, allez, Julie, on y va. Ça allait vous plaire. 8h06 sur Fun Radio, on écoute Tayo Cruz et Florida avec Hangover. Et juste après, on vous rembourse vos factures. 63-22, débutez le message par facture avec le montant et l'objet de la facture. On appelle chez vous dans 3 minutes, même pas sur Fun. Tous les matins. Fun Radio paye vos factures. En direct sur Fun Radio, tout simplement, avec vos messages qui arrivent au 3044. Ça, c'est par rapport au sujet de Toft à l'heure là. Est-ce que l'amitié homme-femme existe? Héberger mon ex un an et demi, ça pique à quand la femme bio? C'est un message qui est arrivé au 3044. Hein. Pas bien compris le message. Bon, enfin bref. Sinon, dans l'absolu, vous êtes contre. Hein. Vous êtes persuadé que ça n'existe pas, l'amitié homme-femme. Mais évidemment. Voilà. On rappellera d'autres personnes tout à l'heure vers 9h-10 pour encore vérifier cela, bien entendu. Bon, allez, on va rembourser les factures maintenant. 57,02€ pour une facture Beliacom. Qu'est-ce qu'il y a également? 60€ pour un voyage réto pour ma fille de 17 ans. Un gold ceinture de 20€. Pourquoi pas? Qu'est-ce qu'il y a également? 108€ pour la décoration de Noël. Ah, c'est cher la décoration de Noël quand même. Oh, je suis passé dans un magasin là hier. Bien cher quand même la décoration de Noël. Ça coûte cher un sapin quand même aussi. Hein, oui, tout simplement, un sapin, wow, c'est déjà super cher. Ah, ouais, alors qu'il suffit d'aller le couper chez le voisin. Oui, c'est ça. Oui. 54,95€ pour un service de table pour mon loulou. 92€ pour les taxes des IMO, taxes poubelles donc. Allez, on appelle maintenant quelqu'un qui s'est inscrit au 63-22. C'est parti. Ça ne sonne pas, c'est dommage. Ah voilà. Si il ou elle décroche, c'est gagné. Si elle répond à la question, bien sûr. Allô ? Allô, bonjour ! Bonjour ! Bonjour, qui paye les factures le matin ? Ah, c'est Fun Radio ! Mais oui ! Eh ben voilà, encore une facture qu'on va payer. Comment tu t'appelles ? Aurélia. Aurélia, tu es dans quelle ville et t'as quel âge, Aurèle ? Aurèle. Alors, ah oui, Aurèle. J'habite du côté de Gaumont et j'ai 32 ans. D'accord, ok. Alors, Julie, elle est choquée pour rien. Elle est tout le temps choquée, Julie. Elle est tout le temps choquée, Aurèle. C'est très laid d'appeler quelqu'un Aurèle. On t'appelle jamais Aurèle, Aurèle ? Non, jamais. Ah bah voilà, comme ça c'est fait. Jamais Jules. Bah tu sais quoi, dorénavant je l'appelle. C'est moche, c'est bon. Dorénavant je l'appellerai Jules. Jules, bah c'est sympa. Ah, Jules, hop là, les infos avec Jules maintenant sur Fun. Vous allez voir, ça va déchirer ça. Bon, Aurèle, bah voilà, moi j'ai décidé de t'appeler Aurèle, c'est comme ça maintenant. Moi tu t'en souviendras. Qu'est-ce que tu fais, Aurèle? T'as l'air bien essoufflé là. Oui, bah en fait, je suis institutrice et je m'apprête à aller en journée pédagogique. Ah oui, donc une journée à rien faire, quoi. Absolument. Une journée de vacances, ça va très bien. Bon, on va te rembourser une facture de combien, là? Dis-nous, c'était 50 et des brouettes, si mes souvenirs sont bons. 50,88€, oui. Ah oui, c'était pour payer quoi encore? Attendez, vous permettez, je suis avec Fun Radio, me rembourse ma facture. Ah, oui, alors qu'on te paye deux minutes ici. Ah, fais, hein, la promo, fais la promo, fais la promo, c'est très bien. Donc c'est pour rembourser combien? 50,88€. Et c'est pour rembourser quoi, excuse-moi, c'est ça que je voulais poser comme question? C'est des cadeaux de Noël pour mes petits neveux, mes nièces, etc. Oh, et, c'est mignon. Ils m'ont pointé deux fois le parfum de ma cousine, j'étais écœurée. Ah ouais, bah va taper scandale. Bah oui. Ah oui, ça fait râler. Ah non mais va retourner au magasin. Attends, ouais, moi je serai retourné, je dis, tu vas m'enlever ça immédiatement, t'as compris? Oui, non mais fâche-toi. Ah bah t'as raison. Bon, en tout cas, je te fais des gros bisous, passe une bonne journée, bah pédagogique, donc à rien faire. Hein. Et puis et tu reviens quand tu veux, d'accord Aurèle? Pas de soucis. Allez, gros bisous, reste au standard, on va t'expliquer comment ça se passe dans un instant pour le remboursement, d'accord? D'accord. Gros bisous, bonne journée. Merci également. À bientôt. Et si vous voulez, comme elle, justement, qu'on vous rembourse votre facture, sachez que ça se passera tout à l'heure, dans moins d'une heure, sur Fun Radio 63-22, code facture avec le montant et l'objet de la facture. Et dans un instant, c'est DJ Joss sur Fun Radio avec I Want You. Et il y aura l'horoscope, évidemment, de Doudou. Écoutez bien, ce sera des indices aussi. Mickaël, pour la vinéticole, hein, je parle. Mickaël revient juste après ça. Fun Radio. DJ Joss à l'instant avec Magic Cut et Mendy, c'était I Want You. Et Joss que vous retrouvez évidemment aux côtés de Mademoiselle Luna, c'est tous les samedis soirs entre 20h et 22h sur Fun Radio, la libre antenne du samedi soir. Et n'hésitez pas à balancer vos messages évidemment sur le Twitter de Mademoiselle Luna par exemple, vous pouvez vous y connecter dès maintenant. Il est 8h18, dans un instant le rappel de la devinette qui colle pour repartir avec tous vos cadeaux, mais avant cela évidemment c'est l'heure de l'horoscope. Fun Radio, l'horoscope. Et oui, l'horoscope avec notre ami Doudou comme chaque matin sur Fun Radio. Hein. Doudou qui est là en pleine forme. Hein. Ah oui, tout va bien ce matin. Là. Dites-moi, oh là. Vous avez, oui, des tatouages? Oh là là là là là là là. Non, je suis bien trop douillé pour qu'on puisse me faire des choses comme ça sur mon corps. Ah bah c'est dommage parce que j'avais une bonne méthode pour vous faire de l'argent là. En faisant des tatouages? Oui, c'est ça. En fait, c'est un Canadien qui propose de se faire tatouer des pubs pour 35$ la pub. Ah oui, mais il veut en faire combien? Oh, presque rien, 100 000. Il veut faire 100 000 tatouages? Oui, c'est ça, voilà. 100 000 tatouages à 35$ le tatouage, ça fait quand même une belle somme. Hein. Ah, je vais peut-être réfléchir un peu, ouais, alors. Ça me semble bien. Bon, allez, on va faire l'horoscope maintenant, le temps de vous laisser réfléchir, justement. Tiens, les béliers, maintenant. Alors, grâce à votre bonne organisation, vous défendez votre point de vue avec élan et habilité. Les taureaux. Alors, les taureaux, une petite seconde. Ah voilà, les taureaux, vous n'avez aucune raison de vous faire du souci, rien de particulier à signaler. Les gémeaux. Courage, vous êtes presque arrivés, le temps joue en votre faveur. Les cancers. Vos problèmes se résoudront que si vous les prenez à bas le corps sans attendre plus longtemps. Les lions. Vous avez en ce moment tendance à repousser les choses désagréables. C'est un beau moment pour prendre des décisions. Est-ce que le monsieur il peut se taire pendant que je parle? Je comprends rien de ce que je dis. C'est Sébastien Loeb. Désolé, Doudou. Les vierges. Alors, les vierges, aujourd'hui, vous resplendissez par votre dynamisme. Sachez utiliser cet aspect qui vous fera aller de l'avant professionnellement. Les balances. Enfin, une lueur à l'horizon, un vieux problème se résout et cela va vous redonner de l'espoir. Bah, très bien. Les scorpions. Quoi que vous fassiez sous le plan de l'amour, tout sera parfait. Les sagittaires. Malheureusement, on ne peut plus changer son passé, même si on le souhaite. Alors, bon, ne laissez pas les vieilles histoires vous gâcher la journée. Les capricornes. Ne vous arrêtez pas toujours aux petits détails, ça ne sert à rien. Les verseaux. Qui veut être pris au sérieux doit tenir sa parole. Et enfin, les poissons. Alors, les poissons, vous vous sentez en pleine forme et vous êtes maintenant prêt à tout faire pour le rester. Très bien, merci Doudou, à tout à l'heure dans une heure. Oui. Et je vous rappelle, la devinette qui colle, en 12, il est coupé sur la voûte étoilée. Dans ses signes, certains vont y lire passé, présent ou avenir. Ça peut être un petit bateau également, c'est ce nom qu'on cherche. Ou alors, ils étaient très connus à l'époque dans un dessin animé, c'était les chevaliers du... Voilà, si vous avez la bonne réponse. Et on vient de se faire les 12 signes, justement, à l'instant avec Doudou. La bonne réponse au 63-22. Il y a des home cinéma LG à gagner. Il y a également des écrans plats ou encore des caméras numériques à vous offrir. Ou encore des lecteurs MP3. Bonne chance tout le monde. La réponse, c'est juste après Lucenzo et Don Omar. Maintenant, Danza Kuduro sur Fun Radio. Il est 8h21. Et si vous aimez ce style de musique, ne loupez pas évidemment vendredi soir, je vais y arriver, moi je suis complètement perdu. Tous les vendredis soirs, donc c'est l'invasion latine entre minuit et 1h du mat. Bon, allez, dans un instant la réponse à la devinette qui colle, bah même maintenant, tiens, c'est Anne qui est avec nous maintenant. Salut Anne. Bonjour tout le monde. Bonjour à toi, comment ça va Anne? Comment allez-vous? Eh ben écoute, on va plutôt bien Anne, t'es dans quelle ville Anne? Charleroi, 103.5. On va faire la fête d'ailleurs samedi à Charleroi pour les 20 ans de fun là au Colisée. Au Colisée. Je vais aller dormir moi. Oui, pense que ah bah y a oui, à 8h24, c'est bien, dis donc. Ouais, mais franchement, c'est une bonne idée. Je me suis levé trop tôt moi. Bon, Anne, alors, oui. Attention, Anne, tu as la réponse à la devinette qui colle. En 12, il est coupé sur la voûte étoilée. Dans ses signes, certains vont y lire passé, présent ou avenir. Qui est-il? Le Zodiac. Eh oui, les chevaliers du Zodiac, c'est un signe du Zodiac, exactement. Bravo Anne, tu repars avec un cadeau au choix, écran plat ou cinéma LG. Il y a également des lecteurs MP3 ou des caméras vidéo numériques. Tu prends quoi? On va prendre l'écran plat pour Charlotte. Eh ben écoute, on va filer ça à Charlotte, il n'y a pas de problème Anne. Je te fais des bisous. Moi aussi. Bonne journée, reste au standard. Salut Anne. Merci, et puis les autres, restez bien là également, car on remet le couvert dans un instant avec encore une fois évidemment tout ça, tous ces petits cadeaux à gagner. Alors attention, nous avons Chloé qui est avec nous maintenant. Chloé qui a 23 ans, qui était là pour la déclaration express. Bonjour Chloé. Bonjour. Comment ça va Chloé? Ça va bien, toi? Ça va bien. T'appelles de Jmep? Jmep sur centre? Oui. Très bien. Très bien, Chloé. Allez, on va faire une petite déclaration express. Donc, tu veux faire une déclaration à qui, toi? À mon copain. À ton copain. D'accord, ok, pas de problème. C'est mignon. Comment ça se passe? Tu veux. Ça va plus très bien et t'as envie de lui refaire une petite déclaration? Ou c'est juste ça va bien et t'as envie quand même de lui faire une déclaration express? Non, j'ai juste envie de lui faire une déclaration. J'ai envie de lui dire combien je l'aime. Et ça fait combien de temps que t'es avec lui? Ça va faire 4 ans. Ah bah, va falloir changer maintenant. Oh, c'est mignon. Bah, après 4 ans, quand même, Julie s'en rend pas c'est compte. C'est ça, il faut laisser la place un peu aux autres. Mais bah oui, chacun son tour. Presque un an, moi. Arrêtez ah, quand de... même. Bah oui, quelques mois, avance, c'est ça. Bon, Chloé, on y va, on appelle Nicolas, on l'appelle, tu lui dis voilà, j'ai un truc à te dire, et puis nous, on dégaine derrière, d'accord? Oui. Allez, c'est parti, hop là. Et si jamais c'est le répondeur, tu laisses pareil un message en disant j'avais un truc à te dire, écoute, en espérant que ce ne soit pas le répondeur, bien sûr. Okay. Allez. Ça s'annonce relativement mal. Très mal. Trop mal. Extrêmement mal. Ça se trouve, le pauvre, il dort encore. Bah oui, peut-être. Il c'est a dommage. Raison. Oui, c'est vrai qu'il a raison dans l'absolu. Doumo Nicolas. Ah alias bah voilà. Doum. Alias Doum Doum. Veuillez laisser un message. Allez, vas-y, Chloé. Doum Doum. Ah, bah, Julie, Chloé, elle sait pourquoi. Doum Doum. Appuyez sur l'étoile pour enregistrer votre message. Oui, mon cœur, c'est moi, j'avais quelque chose à te dire. Merde, musicalement, c'est très dur. C'est encore l'homme qui a choisi. Ah, oui. Nicolas, il faut te réveiller. Ça fait plus de 4 ans que vous vous connaissez. Et même si dans son lit, tu as déjà squatté, elle m'a bien avoué qu'elle n'ose pas péter quand t'es là. Oh, péter quand t'étais là. Très frais. Surtout si elle a bouffé une pita. Oh, elle craint d'avoir la tourista. Vous vous êtes connus dans une boîte de nuit. Elle s'était perdue et elle cherchait son ami. Tu lui as dit si tu veux, je sais où elle est. Mais d'abord, viens sur le parking, on va squatter dans ma bagnole. Je te ferai boire un peu d'alcool. Elle a pas dit non, t'as eu du bol. Et elle a crié comme une folle. Bienvenue sur Classique 21. Yeah. Oh yeah. Et ben voilà, qu'est-ce que tu en as pensé, Chloé? C'était bien. Ah bah voilà, nickel. Alors comme ça c'est plié maintenant, hein, impeccable. Bah Chloé et Nico, je fais des gros bisous tous les deux. Merci. Salut Doudou également, hein, parce que c'est Nico, c'est alias Doudou. Doudou, Doudou. Doudou, pardon. C'était Rihanna sur Fun Radio avec Calvin Harris. We Found Love. Dans un instant, un invité mystère. Et qui va vous faire repartir avec pas mal de cadeaux ce matin. Hein. Je vous fais découvrir dans un instant, juste après les infos sur Fun Radio. Et dans un instant, il y aura aussi le son de Ina avec Juan Magan. Ce sera Un Momento sur Fun Radio. Bonne matinée tout le monde. Plus excitant que la caféine, plus vitaminé que le jus d'orange. Tous les matins, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. À l'occasion des 20 ans de Fun Radio à Charleroi, on a décidé de mettre les petits plats dans les grands. Cette semaine, Fun Radio vous offre des billets d'avion direction toute l'Europe avec Jet Airfly. Et ce n'est pas tout, on va fêter ça avec vous le 17 décembre au Coliseum de Charleroi. Les 20 ans de Fun Radio à Charleroi, c'est grâce à vous, c'est grâce à vous, c'est grâce à vous. Fun Radio, le son dance floor. Infos et réservations, www.funradio.be. 8h30 sur Fun Radio, c'est l'heure de passer à l'actu maintenant avec Jules. Merci Mi. Je t'en prie. Bonjour à tous, les garçons sont de moins bons élèves. Si les filles présentaient un retard scolaire jusque dans les années 70 et 80, eh bien aujourd'hui ce sont les garçons qui réussissent en moyenne moins bien à l'école. Selon une étude des universités de Louvain, Bruxelles et Gand, les différences entre les deux sexes sont flagrantes. Ainsi, après les études secondaires, 41% des garçons ont un retard d'un an contre 29% des filles. Il y a aussi par exemple deux fois plus de garçons dans l'enseignement spécialisé. Les universités entendent se pencher sur cette problématique dans les écoles flamandes et tentent de déterminer les moyens de lutter contre ces différences. Si vous avez une voiture de société, vous allez devoir payer. L'accord sur le budget 2012 prévoit, je vous le rappelle, 200 millions de recettes grâce à une réforme du régime fiscal des voitures de société. Officiellement, il a été annoncé que l'effort sera réparti moitié-moitié entre les utilisateurs et les entreprises. Mais selon les calculs effectués par les experts, il apparaît qu'en réalité, les utilisateurs devront fournir 90% de l'effort fiscal contre seulement 10% à charge des entreprises. En moyenne donc, la part payée par l'utilisateur augmentera de 30 à 35%. La cour d'assises du Hainaut entame aujourd'hui le débat sur les peines dans le cadre du procès de l'assassinat de Sadia, morte en 2007. Vendredi, les quatre membres de la famille Cheikh ont été reconnus coupables d'assassinat avec la circonstance aggravante de crime d'honneur. La peine sera prononcée après un nouveau réquisitoire du ministère public et des plaidoiries de la défense qui se dérouleront toute la journée. Les quatre accusés, la mère, le père, le frère et la sœur de Sadia, risquent la perpétuité. Les organisateurs des manifestations dans le quartier de Matongué à Ixelles ont déjà reçu une cinquantaine de plaintes pour des violences policières. Depuis une semaine, Matongué est le théâtre d'affrontements entre la police et les anti-Kabila, parce que Kabila a été déclaré vainqueur à l'élection présidentielle en République démocratique du Congo. Le nombre de plaintes pourrait toutefois encore augmenter. Luciano Donofrio a tranché, il ne collaborera pas avec le Sporting d'Anderlecht. Ce refus est une gifle pour le président des Mauves, Roger Van Den Stock, qui comptait sur son ami Donofrio pour reconstruire une équipe capable de gagner l'Europa League. Donofrio réclamait un poste dans la direction du club, ce qui ne plaisait pas à tout. tout le monde. Toujours en football, hier se clôturait la 17e journée de championnat avec la rencontre entre le FC Bruges et Saint-Trond. Et c'est le FC Bruges qui l'a remporté 1-0. Il est 8h33 sur Fun Radio, c'est l'heure maintenant d'écouter les infos météo de Julie avant d'écouter Ina et Juan Magan. Après quelques pluies en début de matinée sur l'est du pays, on retrouvera partout un temps sec et des éclaircies de plus en plus larges. À partir de l'ouest, température qui remonte de 5 à 9 degrés. Demain, il va pleuvoir sur toute la Belgique. On se consolera avec les températures qui remontent jusqu'à 12 degrés. C'est déjà ça, effectivement. Et puis, on va écouter aussi dans quelques instants l'autre invité mystère qui vous permettra de repartir avec tous les cadeaux de Noël qu'on met en jeu cette semaine. Il y a des home cinéma LG, il y a également des écrans plats, il y a également des lecteurs MP3 ou encore des caméras numériques. Ça arrivera d'ici quelques instants, mais avant cela, l'info en plus. Il ne faut pas jouer avec la police italienne, car elle se montre plutôt tenace. Un Britannique a écopé d'une amende de, tenez-vous bien, 90 000 € pour quand même 1500 excès de vitesse. Mais c'est normal, qu'est-ce que vous voulez? Il était toujours garé où il ne fallait pas, il roulait trop vite. En fait, il a été flashé 1500 fois. Voilà, c'est ce que je disais. Dans sa Mercedes, le Britannique âgé de 62 ans, ça se passe à Florence. Mais il roulerait en Alfa Romeo, ça aurait pas, bon, il n'y aurait pas eu de problème. Hein. Ah, je ne sais pas, mais ils ont quand même repéré avec la plaque, hein, tout simplement, que la plaque était britannique. Problème, c'est qu'il ne pouvait pas, la police italienne ne pouvait pas demander les infos à la Grande-Bretagne pour pouvoir le bloquer, quoi, et puis lui envoyer les amendes. Et donc, ils ont eu une autre technique qui est pas si mal, c'est qu'ils ont repéré la Mercedes dans une rue de Florence et ils ont tout simplement attendu. C'est ça, le propriétaire. Ils ont mis une petite table, ils ont fait une petite pizza là. La voiture. Hey, Mario, voilà. Tu veux quoi? La pizza de la margarita? Allez, c'est parti. Hop là. Et voilà, et quand le propriétaire est venu récupérer sa Mercedes qu'il avait tout simplement garée, il a reçu une amende de 90 000 € pour 1500 excès de vitesse. Sympa les vacances en Italie. Hein. Faut pas jouer avec les Italiens parce qu'ils aiment pas trop ça. Non, pas des masses, non. Bon, dans un instant, notre invité mystère pour repartir avec tous les cadeaux dont je vous ai parlé. On va s'écouter Ina et Juan Magan maintenant. C'est Un Momento sur Fun Radio. Bonne matinée, tout le monde. Bonne matinée sur Fun Radio, il est 8h37, je vous rappelle qu'il y a les voyages à Tignes qui sont à gagner. Inscription au 63-22, vous débutez le message par neige, tout simplement, vous laissez vos coordonnées. Et quand vous serez rappelé, on va appeler quelqu'un tout à l'heure avant 9h30, et bien vous repartirez d'office avec le casque audio polaire de chez Elenco pour garder les oreilles chaudes tout l'hiver, ça peut être pratique. Et Lucas vous rappellera vendredi vers midi, on appellera quelqu'un, une des personnes qu'on aura sélectionnées tout au long de la semaine, qui repartira, elle, avec les places, direction... La Fire Mix Party du 31 décembre à Tignes. Vous irez du 25 décembre au 31 décembre, enfin au 1er janvier dans l'absolu. Studio pour deux personnes avec location de matos de ski évidemment, les forfaits, les entrées au lagon évidemment et les places pour aller rejoindre les 25 000 clubbers sur le plus haut dance floor d'Europe. Mixer tout ça par Antoine Clamaran qui sera d'ailleurs là-bas aussi. Hein, donc ça peut être un très bon plan pour les fêtes de fin d'année, ça. Très très bon plan même. Voilà, dès que vous voulez, vous vous inscrivez maintenant au 63-22 en débutant le message par neige. C'est un le message, bonne chance d'avance. Dans un instant, on écoutera Cobra Starship. Et puis, notre invité mystère, là, hein, ça vous permettra aussi de repartir avec pas mal de cadeaux là pour cette semaine spéciale Noël sur Fun. Il y a des écrans plats, il y a des home cinéma LG, il y a également des caméras numériques ou encore des lecteurs MP3. À votre avis, qui chante ou du moins qui essaye de chanter ceci? À New York devant le Rockefeller Center. Ils chantent tous faux là-bas. Mais qu'on la tue. On est déjà en train de l'égorger là, c'est pour ça qu'elle crie comme ça. Là c'est violent quand même. Voilà, si vous avez une idée, hein, qui chante 63-22. Ouais, moi aussi. Je pensais qu'elle chantait très très bien en live, mais apparemment. Bah écoute, c'est peut-être juste qu'elle chantait en playback et elle s'emballait pour faire style, elle était au taquet, c'est possible. Voilà, si vous avez une idée, qui chante 63-22, c'est 1 € le message. Vous repartirez donc avec soit les écrans plats, soit les home cinéma LG ou encore les caméras numériques ou les lecteurs MP3. Bonne chance tout le monde, on remettra un autre extrait tout à l'heure et on va s'écouter dans un instant aussi le son de Cobra Starship. Et ce n'est pas Julie qui chante, hein. Non, c'est quelqu'un proposait, donc c'est juste pour rassurer les gens, ce n'est pas Julie. C'est Mickaël à la radio, sur Fun Radio. Cherchez pas sur les autres radios, ils sont encore devant la machine à café. Restez ici, Mickaël réveille la Belgique sur Fun Radio. Exactement, il y a 8h45, il y a des problèmes sur la route. Il y a Nabil d'ailleurs de la Libre Antenne le soir là, qui dit qu'il y a un accident sur la 8 au kilomètre 54, direction Tournai. Pour l'instant, pas trop de circulation, mais ça ne saurait tarder. Et sinon, d'autres points trafic aussi. Oui, accident sur le 40 Gand, direction de Bruxelles, à hauteur de Dilbeek. C'est la bande de gauche qui t'obstruit au kilomètre 4.0. Je vous rappelle cet effondrement de la chaussée sur la N1 à hauteur de Mechelen Sud. La chaussée est fermée dans les deux sens. Et puis également, accident sur le 313 en versant direction de Liège à hauteur de Hasselt. La bande de gauche est obstruée au kilomètre 68.4. Ça ajoute bien sûr tous les ralentissements pour rejoindre habituel. La capitale. Exactement. 8h45 sur Fun Radio. Tiens, on proposait Suzanne Boyle pour notre invité mystère. On proposait également encore Suzanne Boyle. Whitney Houston également. Non, ce n'est pas la bonne réponse. Ce n'est pas Rihanna non plus. Hein. Si vous avez la bonne réponse, elle faisait partie des Destiny's Child à l'époque. Bon, c'est facile cela dit. Hein. Si vous avez la bonne réponse, 63-22, bonne chance tout le monde. Je vous remettrai l'extrait évidemment dans un instant. Restez là pour ceux qui viennent de débarquer, il n'y a pas de problème. Il est 8h46, bon réveil, c'est le 12 décembre aujourd'hui, c'est lundi et Cobra Starship maintenant et Sabi, c'est You Make Me Feel sur Fun Radio. Bon réveil. Cobra Starship sur Fun Radio, 8h48, nous allons maintenant faire un petit tour du côté de la ligne anti-relou. Fini les prises de tête avec la ligne anti-relou. 0-473-86-00-13. Fun Radio. Fun Radio. La ligne anti-relou tous les matins sur Fun Radio, c'est avec vous que ça se passe et grâce à vous, puisque c'est vous qui faites tourner évidemment ce numéro. Le numéro de la ligne anti-relou tous les matins à 7h45, 8h45, 9h45. Pas du tout. 6h45, 7h45, 8h45. Non, parce que d'habitude je dis moins quart, donc du coup j'ai une heure de plus forcément. Et là je me suis dit, tiens, je vais changer. Matin, hein. Ah ouais, oui, pour moi, oui, c'est très, très dur. On sent que le week-end a été agité. Ouais, on rame depuis 6h. Non, tu vois. Abuse pas non plus. Non, ça va. Quelques petits bugs, mais ça peut arriver à tout le monde, même les meilleurs. Comme quoi, tout arrive. Allez, la ligne anti-relou. Donc, c'est grâce à vous, effectivement, qu'elle fonctionne. 0-473-86-00-13. Vous donnez le numéro à tout le monde. Et puis, bah, forcément, nous, après, on diffuse les meilleurs messages, comme celui-là, par exemple. Allô, Victoria ? Je t'attends depuis un quart d'heure. Tu vas venir ou pas ? Tu manques de trop. J'ai envie de t'avoir. J'ai envie que tu joues avec mon petit bâton, en fait. Donc, j'espère que tu vas arriver parce que. C'est possible, c'était mignon. Mais non, mais c'est tellement romantique, mais c'est clair que d'arriver à voir une fille en disant j'ai envie que tu joues avec mon petit bâton. Évidemment, la fille le rappelle directement, c'est connu. Mais attends, directement. Enfin, moi je crois qu'elle préfère un gros gourdin à un petit bâton. Mais merci, après. Tof. Bon, message suivant. C'est encore moi, voilà, ben, je te ressemble pour la troisième fois, je pense, ouais. Je pense que c'est pas le bon numéro. Mais. Donc, si tu veux bien me sonner, avoir 22h, et pour avoir confirmation si c'est bien la personne à qui je dois sonner. Je te remercie beaucoup, bonne soirée. Bye. Ce qui est bien, c'est qu'au cas où c'était la bonne personne, il lui confirme bien que c'est un relou, tu vois. Ça fait trois fois que je t'appelle, tu m'as pas répondu, mais c'est la troisième fois là. Bon, bah ça commence à bien faire maintenant. Allez, dernier message pour aujourd'hui. Ouais, Nadia, c'est Khalid de Mustapha. En fait, on t'attendait pour la petite sauterie, là, mais on voit que t'arrives pas. Si c'est une réponse, bah, moi, ce serait génial, hein. Attends. Allô, dépêche-toi de répondre, là, on est chaud, on a la barre d'affamant à dos, là, on a un thermomètre qui pète. Rappelle-nous, on va te déglinguer les deux fesses, petit canard. Allez, rappelle-nous. Eh oui, le thermomètre qui pète. Oh, ah non, je pense qu'il y a le on va te déglinguer les deux fesses. Ouais, c'est ça. Bon, et si vous voulez laisser vos messages, enfin en tout cas, si vous voulez laisser les relous laisser leurs messages, et Dieu sait que ce matin ils étaient bien relous, hein, tous hein, d'ailleurs. Hein. 0-473-86-00-13. Bonne chance tout le monde. L'invité mystère, je vous refais péter un petit extrait dans quelques instants. Mais avant cela, on va écouter le son maintenant de Sean Paul. C'est She Doesn't Mind sur Fun Radio. Il est 8h51, c'est le 12 décembre aujourd'hui. Dans un instant sur Fun Radio, Tom Hanks débarquera avec Blast. Il y aura également évidemment l'info avec Julie. Et puis attention, je vous remets un petit coup de notre invité mystère. L'invité mystère, écoutez-la bien. Elle chante plutôt bien en règle générale. Hein. Bon là, il y a eu un petit problème, hein, mais ça peut arriver à tout le monde. Écoutez bien qui est notre invité mystère. Proposé Nicole Scherzinger, non. Proposé Dimitri Rousseau. Alors proposé Brandy aussi ou Rihanna. Non. Écoutez. Alors on est au top là. Bon, si vous avez une idée, hein, il y a des écrans plats à gagner, des Home Cinéma LG, il y a également des caméras numériques ou encore des lecteurs MP3. Qui est notre invité mystère ce matin? Écoutez, ben c'est le top. Qu'est-ce que c'est beau. Ah ouais. La pauvre. Attends, parce qu'après ça va monter là. Je pense qu'on va laisser un peu monter là. Oh non, reste. Attention. Et voilà. Bon, si vous avez la bonne réponse, 63, 22, c'est 1€ le message. Bonne chance tout le monde. Comme je le disais, plein de cadeaux spéciaux Noël à gagner. Et puis pour nos amis luxembourgeois, vous envoyez votre message au 621 783. Ah, 783 605. Voilà. Ah, puis il s'énerve en plus, hein, c'est exceptionnel. Bon, voilà. Allez, hop. Bonne chance tout le monde. On fera dans un instant un petit tirage au sort, évidemment, pour offrir le cadeau à tous ceux qui ont eu beaucoup de mal aux oreilles. Là, voilà. Allez, on continue à tester maintenant cette petite question depuis ce matin. Est-ce que l'amitié homme-femme existe vraiment? C'est sur un petit sondage sur lequel Toff est tombé. Bah, hein. Non, pour le moment, on a la preuve qu'elle n'existe pas. Hein. Pour l'instant, oui. Pour l'instant, effectivement, ça n'existe pas des masses. Voilà. Mais on a reçu plein de messages ce matin qui disent que, bon, il y en a quand même. Ils disent que ça existe, Julie en premier. Oui, donc, c'est voilà. Ça, des filles qui ne veulent pas voir la vérité en face et que tous les mecs autour d'elles ont envie de les. Oui, bon, c'est ça. Bon, du coup, on a appelé tout à l'heure à Bernissard notamment pour vérifier si effectivement les gens pensent que ça existe ou ça n'existe pas. Pour l'instant, les gens disent. Raccroche en général, ils veulent pas répondre. Mm. Voilà, c'est bizarre. C'est décevant. Mais oui, on va appeler à Fosse-la-Ville. Allons-y. Allez, c'est parti, on y va. On appelle à Fosse-la-Ville maintenant, on va voir s'ils sont plus ouverts qu'à Bernissard. C'est pas sûr, hein. C'est jamais. Oui, c'est vrai, on sait jamais, mais j'y crois pas des masses. Bon, enfin, on verra bien. Allô. Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Oui, bonjour. Voilà, en fait, je vous appelais pour savoir si vous pensez que l'amitié homme-femme, c'est possible. Ouais, merci, j'ai pas le temps de répondre à ça, merci. Ah bah voilà, hein. Écoute, sympathique. Ah oui, très gentil, mais on va le rappeler, hein. Ah bah, un petit coup quand même. Bah oui, normal. Allô. Oui, excusez-moi, mais j'ai pas eu votre réponse. Non. Ah bah voilà, maintenant voilà, hop là, c'est bon, on a eu la réponse. Donc voilà. Ça n'existe pas. Ça voilà. N'existe pas, c'est non. On en restera là, hein, a priori. Ah, hein. Il a dit non. C'est tout ce qu'on lui demandait. Exactement. Allez, on va s'écouter le son de Tom Hanks maintenant sur Fun Radio. C'est Blast. Et puis juste après, l'info évidemment avec Julie. Bonne matinée sur Fun Radio. Je vous rembourse aux factures aussi dans un instant et je vous explique comment ça se passe dans 2 minutes 30. Restez sur Fun. C'est Fun Radio, il est 8h58. Dans un instant, je vous rembourse vos factures, tout simplement. Donc, si vous voulez qu'on vous les rembourse, justement, vos factures, n'hésitez pas. 6322, débutez le message par facture avec le montant et l'objet de la facture. Et j'ai reçu un message également de. Malheureusement, ce n'est pas signé, mais ça vient du Luxembourg. C'est. On proposait Christophe Willem pour notre invité mystère. Oui. Alors on s'en approche, oui. Au niveau de la voix, je pense qu'on est très très proche. Au niveau de la voix, effectivement, on n'en est pas forcément loin, c'est vrai. Si vous avez la bonne réponse, n'hésitez pas, on proposait Pitbull. Alors je vois pas le rapport, hein. Il faut se réveiller, hein, je pense, parce que je crois que c'est un petit peu compliqué là. Je vous le remets vite fait en speed là, avant l'info. Une artiste fun en plus, hein, pour le coup. Hein. Fun découvre des talents. Mais elle a du talent, je sais pas ce qui s'est passé en fait. Elle était en playback et son micro était quand même allumé, donc voilà ce qu'il en est ressorti en régie, mais. Mais bon, peut-être qu'elle voilà. S'est marrée, quoi. Bah écoute, c'est à espérer, hein. Bon, si vous avez la bonne réponse, en tout cas, 63-22, c'est 1€ le message. Il y a des home cinéma LG à gagner, des écrans plats également, et des caméras numériques ou encore des lecteurs MP3. C'est Noël avant l'heure sur Fun Radio. Bonne chance tout le monde, c'est pas Alicia Keys, c'est un message qui vient d'arriver là. On va se faire dans un instant l'info sur Fun Radio, là. Et avant cela, on va se. Je vous dis aussi qu'il y a The Wanted qui arrive. Ça va arriver dans un instant, ça, sur Fun Radio de Wanted avec Glad You Came. Juste avant de vous rembourser vos factures, d'ailleurs. Mickaël, à la radio. Fun Radio. Il est 9h. Bonne matinée, bon réveil ou bon courage si vous allez au taf ou à l'école ce matin. C'est l'heure de passer aux infos maintenant avec Julie. Bonjour à tous. Les garçons sont de moins bons élèves. Oh, si qu'est-ce que filles... c'est que cette connerie encore là. Si les filles présentaient un retard scolaire jusque dans les années 70 et 80 en Flandre, ce sont aujourd'hui les garçons qui réussissent en moyenne moins bien à l'école. Selon une étude des universités de Louvain, Bruxelles et Gand, les différences entre les deux sexes sont flagrantes. Ainsi, après les études secondaires, 41% des garçons ont un retard d'un an contre 29% des filles. Il y a aussi par exemple deux fois plus de garçons dans l'enseignement spécialisé. Les universités entendent se pencher sur cette problématique dans les écoles flamandes et tenter de déterminer les moyens de lutter contre cette différence. Si vous avez une voiture de société, vous allez devoir cracher. Bientôt payée, oui, oui, c'est une façon de le dire. L'accord sur le budget 2012 prévoit, je vous le rappelle, 200 millions de recettes grâce à une réforme du régime fiscal et des voitures de société. Officiellement, il a été annoncé que l'effort sera réparti moitié-moitié entre les utilisateurs et les entreprises. Mais selon les calculs effectués par les experts, il apparaît qu'en réalité, les utilisateurs devront fournir 90% de l'effort fiscal contre seulement 10% à charge des entreprises. En moyenne donc, la part payée par l'utilisateur augmentera de 30 à 35%. La cour d'assises du Hainaut entame aujourd'hui le débat sur les peines dans le cadre du procès de l'assassinat de Sadia, morte en 2007. Vendredi, les quatre membres de la famille Cheikh ont été reconnus coupables d'assassinat de Sadia avec la circonstance aggravante de crime d'honneur. La peine sera prononcée après un nouveau réquisitoire du ministère public et des plaidoiries de la défense qui se dérouleront toute la journée. Les quatre accusés, la mère, le père, le frère et la sœur de Sadia, risquent la perpétuité. Les organisateurs des manifestations dans le quartier de Matongé à Ixelles ont déjà reçu une cinquantaine de plaintes pour des violences policières depuis une semaine. Matongé est le théâtre d'affrontements entre la police et les anti-Kabila. Kabila qui a été déclaré vainqueur à l'élection présidentielle en République démocratique du Congo. Le nombre de plaintes pourrait encore augmenter. Luciano Donofrio a tranché, il ne collaborera pas avec le Sporting d'Anderlecht. Ce refus est une gifle pour le président des Mauves, Roger Van Den Stock, qui comptait sur son ami Donofrio pour reconstruire une équipe capable de gagner l'Europa League. Donofrio réclamait un poste dans la direction du club, ce qui ne plaisait pas à tout le monde. Toujours en football, hier se clôturait la 17e journée de championnat avec la rencontre entre le FC Bruges et Saint-Trond, et c'est le FC Bruges qui l'a emporté 1-0. Dans un instant, je vous explique comment faire pour vous faire rembourser la dernière fois ce matin vos factures. C'est d'abord la météo qu'on écoute. Eh bien, après quelques pluies en début de matinée sur l'est du pays, on retrouvera partout un temps sec et des éclaircies de plus en plus larges à partir de l'ouest. Température qui remonte de 5 à 9 degrés. Demain, il va pleuvoir sur toute la Belgique. On se consolera avec les températures qui remontent encore jusqu'à 12 degrés. Et pour notre invité mystère, je confirme, ce n'est pas Kelly Rowland. C'est un message qui est arrivé aussi par SMS. Mais on y est presque, cela dit. Hein. On y est presque. Fun Radio. Le remboursement des factures sur Fun Radio, c'est le moment, un des moments que vous attendez le plus dans cette émission, c'est qu'on vous appelle pour vous rembourser vos factures. Et je peux concevoir, c'est vrai qu'en général, la vie est dure, surtout les fins d'année, là, comme ça, les Noël, à Noël. C'est très dur, tous ces cadeaux qu'il faut faire. Mais c'est ça, donc un petit remboursement ne ferait pas de mal. Si vous voulez qu'on vous rembourse vos factures, sachez qu'on va le faire dans moins de 4 minutes sur Fun Radio. Il suffit, si vous voulez tirer au sort, de vous inscrire, forcément, ça tombe sous le sens, en envoyant un petit message au 6322. Vous débutez le message par... facture avec le montant et avec l'objet de la facture et on vous appelle chez vous d'ici quelques instants comme là par exemple. Ah bah non, ça a planté les donc. Je n'arrive plus à rien lire. Comme là, rien du tout. Bah oui, mais il y a plein de messages, mais le programme a bugué. C'est pas grave, je le relance, hein, donc vous pouvez vous inscrire en attendant. 6322, code facture, je ferai un petit tour du côté des messages que j'ai reçus d'ici quelques instants. Bon, avant ça, parlons de l'info en plus. Ça se passe aux États-Unis, c'est un procès dans l'Arkansas qui a été reporté et la condamnation annulée parce qu'un juré tweetait, en fait. Donc comme quoi les réseaux sociaux sont à fond. Bah oui, tout le monde y est maintenant à fond dedans, le Twitter, Facebook, etc. Alors, il faut quand même rappeler que les jurés dans un jury n'ont pas le droit de communiquer avec l'extérieur quand ils sont en train de délibérer. Eh bien, c'est un condamné quand même à mort, hein, donc c'est pas pour rigoler, qui peut remercier Twitter, puisque la Cour suprême de l'Arkansas a annulé sa condamnation à mort. C'était la condamnation d'Erickson Dimas Martinez, qui avait été condamné pour un cambriolage avec circonstances aggravantes, puisqu'il avait tué quelqu'un. Et en fait, un jury a été tweeté. J'ai le tweet du jury. Qui expliquait voilà, des choix doivent être faits, des cœurs vont se briser, chacun de nous droit tranché. Puis 50 minutes plus tard, il avait encore tweeté, c'est fait. Donc pendant qu'il délibérait, il avait tweeté donc, l'avocat du. Ouais, dans l'absolu, il n'a rien dit de. Non, mais c'est interdit de tweeter. Oui, c'est interdit, ouais. Alors il faut quand même rajouter qu'il n'y a pas que ça. Hein. L'avocat aussi du gars qui avait été condamné à mort a dit de 1, il y en a un qui a tweeté, et de 2, il y a quand même un juré qui dormait. C'est bon ça. Donc, oui, mais il faisait une petite sieste, alors si on peut plus dormir maintenant. Donc c'est quand même grave, c'est quand même pour une condamnation à mort. Ouais, c'est vrai, c'est dur. C'est pas rien du tout. Donc il y a quand même un gars qui s'amusait à aller sur Twitter et un autre qui dormait. Donc voilà, c'est. Non, ça aurait pu être pire, elles auraient pu jouer aux cartes. Hein. Oui, enfin... c'est vrai. C'est... Oh, c'est une petite partie, là, une petite bataille. Hein, on va voir. Oh, un pendu. C'est horrible. C'est vrai. Bon, le son de The Wanted maintenant. Glad You Came. Et puis le remboursement des factures, c'est juste après, dans 3 minutes donc. 6322, code facture avec le montant et l'objet de la facture. C'est la dernière chance pour vous, donc bonne chance. Tous les matins. Fun Radio paye vos factures. À 9h09 sur Fun Radio, on parlera également de confessions intimes dans quelques instants. On écoutera aussi Katy Perry, il y aura David Guetta et Usher avec Without You. Et puis nous allons maintenant payer, rembourser des factures. Pour ce faire, facile, il suffisait de s'inscrire au 6322, il suffisait de démarrer votre message par facture. Et puis bah, il suffira, dès que je vous appellerai, de nous répondre, de répondre à la question correctement, c'est-à-dire qui paye les factures le matin. Si vous répondez Mickaël ou Fun Radio, c'est gagné. On a reçu pas mal de messages. Là, il y avait 47,56€ pour une facture de téléphone, 70,27€ pour une assurance voiture, il y avait également 90€ pour des cours de danse, 50€ pour Proximus, 2 800€ pour des frais hospitaliers. Ah oui, quand même bien cher aussi l'hôpital sur le coup quand même. Allez, c'est parti, on y va, on appelle maintenant quelqu'un. Ouh, on va rembourser quelque chose de très érotique. Chou. Non, je plaisante bien sûr. Oh. Eh ouais. Ouais, bah, enfin, ça le dit, c'est quand même. Enfin, ça doit se faire, hein, ça doit se faire. On n'a pas le choix. Hein, qu'est-ce que tu veux, c'est la vie. Oui, bonjour, c'est Eric. Je ne suis pas là pour. Ah, oh, ça c'est vraiment dommage, Cédric. C'est du papier cul. Non, des langes pour sa fille. Trop bien. Allô, Cédric. C'est Mickaël. T'étais en direct sur Fun Radio. Malheureusement, on est tombé directement sur le répondeur. C'est dommage. Tu voulais 55€ si mes souvenirs sont bons pour le remboursement de l'ange. Et ouais, ça coûte une pêche. Non, les ça langes. Coûte cher. Hein. Oui, oui. C'est super ça coûte, cher. Ça coûte même plus cher qu'une pêche. Ou alors la pêche a augmenté. Je ne sais pas si non. Okay, merci. Oh, je l'ai trouvé très drôle pourtant, hein. Ah oui, ouais. On t'a entendu rire à ta propre blague. Mais ouais, c'est clair. Ouais. Bon, bah tant pis, malheureusement. Bah désolé, Christophe. Tu reviens en tout cas quand tu veux, tu rejoues quand tu veux, il n'y a pas de problème. 6322, code facture, les autres. Si vous voulez vous inscrire, allez-y. Vous débutez votre message par facture avec le montant et l'objet de la facture. Bonne chance d'avance. Et comme promis, dans un instant, c'est David Guetta Usher qui arrive sur Fun Radio. David Guetta Usher, ce sera Without You. Et l'horoscope de Doudou, le dernier pour aujourd'hui, c'est également dans 5 minutes. Restez sur Fun. Mickaël à la radio. Fun. Tous les matins. Tous les matins, Mickaël est en direct sur Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. L'horoscope. C'est l'horoscope sur Fun Radio. Dans quelques instants, comme chaque matin, je vous remettrai encore un petit coup de notre invité mystère dans quelques instants. Et Doudou qui est avec nous. Tiens, Doudou, vous voulez pas faire comme Charlie Sheen? Ça dépend, vous parlez de quoi? De la drogue ou de sa carrière d'acteur? Non, aucun des deux. Il a juste donné son numéro sur Twitter hier soir. Vous voulez pas donner le vôtre? Ah, si, c'est si, bon, évidemment. Ça. Moi, je suis d'accord, y a pas de problème. Hein. Genre, vous allez donner votre numéro? Mais oui, vous avez de quoi noter? Ouais, allez, on vous écoute. Alors, 04. Ouais. 73. Ouais. 86. Ouais, d'accord. 00. Okay. C'est nul, Doudou, c'est l'ayant tirolo. Oh là là, c'est vous qui devriez être dessus en plus. Hein. C'est pas à vous de le donner. Non, mais alors on aura tout vu. Le monde va à l'envers aujourd'hui. Hein. Ça, c'est tout part en couille. Ah bah, je suis pas un walou, moi. Ouais, c'est ça. Allez, les béliers, Doudou. Alors, faites preuve de mobilité car cela pourrait être important pour votre avenir. Les taureaux. Vous n'avez aucune raison de vous faire du souci. Rien de particulier à signaler. Les gémeaux. Courage, vous y êtes presque arrivé. Le temps joue en votre faveur. Les cancers. Vos problèmes se résoudront que si vous les prenez à bras le corps sans attendre plus longtemps. Les lions. Vous avez en ce moment tendance à repousser les choses désagréables. C'est un bon moment pour prendre des décisions pourtant. Les vierges. Aujourd'hui, vous resplendissez par votre dynamisme. Sachez utiliser cet aspect qui vous fera aller de l'avant professionnellement. Les balances. Enfin, une lueur à l'horizon. Un vieux problème se résout et cela vous redonne espoir. Les scorpions. Quoi que vous fassiez sur le plan de l'amour, tout sera parfait aujourd'hui. Les sagittaires. Malheureusement, on ne peut plus changer son passé, même si on le souhaite. Alors ne laissez pas les vieilles histoires vous gâcher la journée. Les capricornes. Ne vous arrêtez pas aux détails toujours. Très bien, les Verseaux. Qui veut être pris au sérieux doit tenir sa parole. Ce qui est sincère dure plus longtemps, c'est bien connu. Et oui, et puis pour finir, les Poissons. Vous vous sentez en pleine forme et vous êtes maintenant prêt à tout pour le rester. Très bien, merci Doudou, on vous retrouve demain en pleine forme. Oh là là, mais oui, je serai en pleine forme mais demain. Mais j'imagine. Allez, bonne soirée Doudou. Je dis soirée parce qu'il est un peu décalé encore. Hein. Au revoir Doudou. Ah oui, je suis complètement décalé. Voilà, c'est ça. Bon, et puis dernière chance là ce matin pour repartir avec les cadeaux. Home Cinéma LG, écran plat ou alors caméra numérique ou encore lecteur MP3. Qui est notre invité mystère ce matin? Facile. Même si grosse déception. Eh oui, c'est vrai. Écoutez, c'est Julie. C'est le matin quand elle est dans sa douche. En fait, on a mis un micro, on a mis un micro dans sa douche et le matin, vous savez, vers 4h30 quand elle se lève, elle est là. Ma voix n'est pas loin. À 4h30, effectivement, ma voix n'est pas tout à fait réveillée. C'est vrai. Eh oui. Bon, si vous avez la bonne réponse, en tout cas, 63-22, c'est 1€ le message. On proposait Maria Carré. Non, pas du tout. Bonne réponse, 63-22, 1€ le message. Bonne chance, tout le monde. Et puis, on va s'écouter maintenant Katy Perry sur Fun Radio. The One That Got Away. Bonne matinée avec nous. Et puis après, il faut voir Julie danser. Hein. Oh là là là là là là. Les bras en l'air, là. Une fois à gauche, une fois à droite. Une fois à gauche, je une sais, fois à droite. C'est très, très impressionnant. Ah, grave. Elle est trop sensuel. Ah, alors mais là, attention. Oh. Ah, bah oui. Mais Toff, il est à chaque fois au taquet. Bien sûr, bien sûr. Il est 9h22 sur Fun Radio. Il y aura Lucas dans un instant avec le self, comme chaque matin. Et puis, bah, nous avons aussi la réponse maintenant à la devinette qui colle. Non, pas du tout. La réponse à notre invité mystère, c'est Madison qui est avec nous de Soigny. Salut, Madison. Salut. Comment ça va, Madison? 22 ans de Soigny en pleine forme. Super, super, ça va très bien, merci. Bah tant mieux. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Madison? Écoute, je suis secrétaire de direction. D'accord, ok. Donc tu vas aller au travail là ou tu vas y aller? J'y suis, je vais me planquer vite fait dans les toilettes pour répondre. D'accord, ok, mais c'est bien, Madison. T'inquiète pas, ça restera entre nous, il n'y a pas de problème. Bon, Madison, tu as la réponse, toi. Quel est notre invité mystère? Je remets un petit extrait, hein. Il faut l'achever, maman. Ouais, il faut l'aider. Ah ouais, il faut l'achever. Elle souffre, là, c'est... Ah ouais, elle souffre et elle fait souffrir tout le monde d'ailleurs en plus. Hein. Bon, alors, Maddy, qu'est-ce que c'est la réponse? C'est quoi la réponse? C'est notre talentueuse Beyoncé. Eh oui, Beyoncé Knowles pour être précis. Bravo à toi, Madison. Eh ben écoute, c'est gagné. Qu'est-ce qu'on va offrir à la secrétaire de direction? Alors, un écran plat, il y a également un home cinéma LG, il y a une caméra numérique ou encore un lecteur MP3. Alors, je ne sais pas, je vais choisir, je ne sais pas. Bah dis-moi. Je dirais un écran plat. Eh ben écoute, pas de problème, l'écran plat il est chez toi. Enfin, il n'est pas encore chez toi, mais il va y aller. Voilà, Madison, je te fais des bisous. Merci beaucoup, gros bisous à tous. Allez, ciao Madison, et reste bien au standard, on va te reprendre dans un petit instant. Et puis on va parler également de nos amis maintenant, nos amis de confessions intimes, évidemment, hein, comme je vous l'avais, comme je vous l'avais annoncé lundi dernier, après l'amour est aveugle, c'est le grand retour de confessions intimes avec cette semaine un grand match nord-sud. On commence évidemment dans le sud avec Aurélie qui s'embrouille évidemment avec son mec Yannick. On n'est plus à l'époque de la dictature, tout le monde ne marche pas au pied la lettre. Eh oui, tout le monde ne marche pas au pied, la lettre. Hein. C'est un petit remix de plusieurs expressions. Hein, oh, mais pourquoi se prendre la tête? Elle balance des mots et on fait des phrases. Et puis c'est tout. Ça. Mais ça n'a surtout rien à voir avec le sujet. Enfin, bon. Bon, alors je vous rassure, dans le Nord, c'est pas mieux. Hein. On va dans une bonne famille qui s'embrouille évidemment parce que la mère veut faire des concours de Miss à sa fille. Mon plus beau rêve qu'elle me ferait, c'est qu'elle soit Miss France. Eh oui, enfin, c'est pas gagné. Hein. Non. Ouais, ça c'est. Ouais. Je n'ai pas vu le physique de la fille, mais en tout cas, si le vocabulaire est comme sa mère. Ah oui, si elle ressemble au vocabulaire de sa mère, c'est compliqué. Hein. Bon, il n'y a pas qu'elle, cela dit, dans la famille qui a du mal. Hein. Son mari aussi, hein, il sait manier le verbe. Hein. Là, tu commences à me gaver, je discute mes pieds avec toi, tu vois, et je monte coucher, et puis j'abandonne. Évidemment. Je monte coucher. Oui, parce qu'en fait, il faut savoir que son lit en fait monte. C'est quand même un petit ascenseur en fait. Donc il peut monter, coucher, c'est très pratique, vous allez voir. Bon, et puis quand la mère achète pour 350 euros de tissu pour les robes de sa fille, bah, c'est le fils qui forcément a enfin une remarque intelligente. Bon, alors justement, non, alors, arrêtez de vous faire pas le souci. C'est bon, 350 euros. Et alors? Il nous manque rien, si. Quoi? Les vacances en famille. Ah oui, les vacances. Et bah, on va partir où? Au bout du jardin. Eh bah tiens, au bout du jardin, c'est tellement bien. Ça ira pas de bouchons, c'est bien. Mais oui, en plus, dans le nord de la France, c'est bien le vent du jardin. Hein. Tu peux quand même prendre de belles vacances. Hein. Oh là là là là. En tout cas, c'est bon de voir qu'il y a toujours de bons clients dans Confessions Intimes. Merci à toutes et à tous. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles Confessions Intimes. Parfait. Merci Marion, avec plaisir. Et la semaine prochaine, Marion, gros bisous à toi. Bon, et bien voilà, c'est une bonne chose de faite. Tiens, maintenant, tiens. Dans un instant, comme je le disais, c'est Lucas qui va débarquer. Et ah oui, c'est vrai, nous avons Florence qui est là également. Bonjour Florence. Bonjour. Bonjour, comment vas-tu Flo? Super. Eh ben écoute, tant mieux, bienvenue à toi Florence. Bon, tu es avec nous car tu t'es inscrite au 63-22 en débutant le message par Neige. Tout à fait. Et tu ne sais pas quoi faire à la fin de l'année pour les vacances entre Noël et Nouvel An. Et non, la pauvre, elle s'ennuie. Eh oui. Eh bien, tu partiras peut-être pour une soirée qui va déchirer, direction la Fire Mix Party. C'est le 31 décembre à Tignes. Donc, on t'enverra peut-être là-bas, dans un petit studio pour deux personnes, avec l'allocation du matériel, les forfaits et les entrées au lagon. C'est Antoine Clamaran qui sera là pour mixer. Évidemment, fête tous les soirs, ça va être la folie totale. Mais est-ce que t'as déjà fait du ski, Flo ? Oui, oui. Ah, donc ça va. On est allé il y a 2 ans. Ah, donc ça va, tu maîtrises le ski ? Maîtriser, il y a des chutes, quoi. Non, c'est le ski qui la maîtrise. Mais... Ouais, le ski la maîtrise. Voilà. Eh bien, écoute, quoi qu'il en soit, tu repars déjà avec ton casque audio polaire de chez Lenco pour garder les oreilles au chaud, là, pendant tout l'hiver. Et puis, vendredi, sois bien à l'écoute de Fun Radio, car Lucas, dans le self, vers midi, plus ou moins, te rappellera peut-être pour te dire que tu repars à Tignes tout frais payé. Ce serait trop chouette. Ce serait plutôt bien, hein, quand même. Eh bien, Florence, en tout cas, je te souhaite une bonne journée et peut-être à vendredi, alors. Gros merci, bisous. Bonne journée. Salut, revoir. Flo, à bientôt. Ciao à toi. Eh bien, voilà, pour les autres, c'est facile. 63-22, débutez le message par neige. On vous appelle tout au long de la journée. Prochaine étape, eh bien, tout à l'heure, entre 9h30 et 13h, c'est avec Lucas que ça se passera, évidemment. Passe une bonne journée, Jules. Bonne journée, Mi. À bientôt. Bonne journée également à Lob et à Toff. Mais écoute, bonne journée. Bonne journée. Eh bien, bonne journée également. Et puis, on se retrouve donc demain. En pleine forme à partir de 6h sur Fun Radio avec un nouveau jeu également, le The Free Code Game. Oh, on l'attend avec impatience. Ah, mais vous pouvez. Moi, je ne sais pas ce que c'est, ce qui me fait très peur. Inscription sur mikael@funradio.be. The Free Code Game, c'est demain, bien évidemment, à partir de 6h. Bonne journée, tout le monde. À demain, bye. Il vous manque déjà ? Mais c'est un cauchemar. Pas de panique. Mikael à la radio revient demain dès 6h. Préparez votre réveil. Fun Radio. Toute cette semaine, enfilez vos doudounes, bonnets, moon boots et prenez vos snowboards avec Fun Radio pour rejoindre les 25 000 clubbers sur le plus haut dance floor d'Europe. Direction la soirée Fire Mix Party du 31 décembre à Tignes. Gagnez un séjour du 25 décembre au 1er janvier en studio pour deux personnes avec la location de matériel de ski, les forfaits Espace Kili et les entrées au lagon. Vous voulez tenter le coup ? Envoyez neige suivi de vos coordonnées complètes par SMS au 6322. Vous êtes rappelé ? Vous repartez déjà avec un casque audio polaire de Lenco pour garder vos oreilles au chaud tout l'hiver. Et si Lucas vous rappelle le vendredi vers midi, à vous le plus top des réveillons de la Saint-Sylvestre à Tignes. Envoyez neige au 6322. 1 euro par message envoyé ou reçu. Fun Radio, le son dance floor.